En direct de Mascouche. Excusez, Terrebonne. Terrebonne. Le bâtard. 16 novembre 2013, l'épisode 29 du Geek Collectif. Bienvenue avec nous ce soir ou ce matin. Comment ça va les boys? Très bien, très bien. Très bien. Ouais. Là, ça va encore mieux parce qu'on est chez nous. Ouais, c'est... J'ai pas comme de voyagement à faire, puis j'ai pas à me dire ah, oh, faut que je fasse du char tantôt. Surtout la comté lointaine de Mascouche. Oh, à Mascouche. Marcus. Terrebonne, Terrebonne. Terrebonne. C'est un... chien dit Mascouche. En un an, c'est la première fois. Là. Mais moi, j'ai aimé les réactions d'Eric en s'en venant dans le char, tu sais, qui me demandait si on était proche de Trois-Rivières. Quasiment, ouais, un petit peu plus. Non, c'était encore à 1h45 d'ici. C'était encore quand tu étais passé la barrière de 2h. Là. Ouais, quasiment. Comment ça va, vous autres, sinon? Quelque chose de spécial? Y a-tu du nouveau? Y a-tu du neuf? Non, je commence à sentir un peu le temps des fêtes arriver tranquillement. Ouais. Mais c'est plus le budget qu'il ressent. Moi, tu vois, c'est plus le fait que j'étais... Ouh, hier, j'étais chez Home Sense avec ma blonde, puis la première toune de Noël, un centre d'achat, tu sais que tu réalises, j'en ai peut-être entendu 8 à date, encore, mais là j'ai fait comme, oh boy, oh là on est dedans, là c'est la musique de Noël dans le home sense. J'ai entendu de la musique de Noël dans le cadre de mon travail, okay, il y a longtemps pour savoir ce qui s'en venait pour le temps des fêtes. Qu'est-ce qui s'en vient dans le cadre musical de Noël? Bah, pour nous autres, pas... Joe Bocan, album Noël, c'est non? Pas moi Joe Bocan, je pense pas qu'elle sera un album de Noël cette année. Mais non, ben de mon côté, c'est tranquille, là, ces albums de Noël. C'est du jazz, puis du bon jazz de Noël. Du acid bon. Jazz de Noël? Il y en a un, ouais. Du acid jazz de Noël? Il y a plein d'affaires fucking Noël. Là, le monde, il essaye avec ça. Là. C'est comme, si vous connaissez Pink Martini, là, c'est un genre de big band jazz weird. Là. Il y en a un album de Noël. Là. C'est bon, mais c'est spécial. En restant c'est sur pas du classique Bing Crosby là, de Noël. Là. Qui est bon aussi. Qui est excellent. Excellent, mais même meilleur. Noël, pour moi, je suis différent. Je suis dans les ventes au détail, puis je suis à Place Versailles, qu'eux, ils aiment ça commencer le plus de bonheur possible. Puis le Père Noël s'est installé en hélico, là, il n'y a pas longtemps. En hélicoptère. Ouais, il arrive en hélicoptère à Place Versailles. Moi, je vais demain avec mes enfants. Ouais, justement, ils vont demain capoter, matin, ouais. On s'en va accueillir le Père Noël au centre d'achat. Oh, puis quand tu l'accueilles, les galeries tu fais quoi? De Terrebonne. Ben, je sais pas, il arrive en hélicoptère. Là. Ou non, chose. Il crème. Il y a des reines. C'est plus il y a des reines à Place Versailles. Ouais, en des vraies reines. Tu peux-tu comme mettre 25 cents dans une mangeoire, avoir une poignée de moulins puis les nourrir? Puis après ça, mettre du purel après, c'est... ouais. Avoue que ça serait écœurant qu'il y ait... Hey, nourrissez pas les reines avec du purel. Là, on va régler quoi de bien simple. Là. Mais des reines qui arrivent en hélicoptère avec des reines, attends... Les reines attachées qui pendent. Des reines en hélicoptère. Non, mais le Père Noël est dans l'hélico avec le gars qui conduit, mais tu sais, ils ont accroché des reines en dessous, tu sais, pour regarder. Hey, check, il est avec ses reines. Il y a bien du budget à Mascouche. Non, non, mais ça serait calme. C'est à Versailles, man. Ah, ouais, OK, excusez. Versailles. Il y a du budget à Versailles. Il traîne un ou deux reines en dessous, il drop à terre, puis il atterrit l'hélico pas loin. Puis juste pour regarder sa thématique, il y a Marie-Antoinette qui sort en arrière. Exactement. Place Versailles, André. Là, j'ai mal à la tête. OK. Cette semaine, il est arrivé quelque chose qu'on ne peut pas ne pas parler hein, parce qu'on est un podcast et on a le mot geek les dedans. Les pre-orders du Xbox ont commencé. Les pre-orders du Xbox ont commencé. Non, il y a la PlayStation 4 qui est sortie. On fera pas un épisode sur le lancement des consoles. On en a toutes une. On a tout acheté une. Bon. Une PS4? Moi, en fait, je n'ai 4, moi. Ouais, non, moi, je game pas PS4, moi. Non? Non, moi, j'ai parlé avec bien des gens cette semaine, parce que c'est le fun, là, les nouvelles générations qui commencent, puis j'adore ça, cette période-là. Ouais. Puis moi, j'ai entendu, il y a des gens, là, non, ils game tout, juste... Tout le temps encore. Ben non, mais moi, j'ai vu tout, mais j'aime rire des gens qui disent, non, moi, je suis PlayStation. Non, moi je suis Xbox. Juste un bord. Hein. Ouais, c'est assez comique. Fait que là, c'est le temps, là, c'est chaud pour ça. Là. Fait qu'ils sont faciles à piquer, ces fait gens-là. Fait que c'est battre le fer pendant qu'il est chaud. Toujours. Ah, mais Eric, c'est un agitateur. Un troll. Toujours, faut que tu le partes. Là. Mais j'ai des rants là-dessus là, dans mes nouvelles. Je sais pas si on fait les nouvelles. Ben, en fait, on va parler du PS4 tout de suite. On va le tasser. On va tasser l'éléphant en pièces parce qu'il faut en parler. Mais honnêtement. On le tasse comme. On en parle vite. Là, c'est pas notre actualité principale. Ah, c'est ça. Mais moi, je peux en parler en deux phrases. Garde-toi deux phrases. Belle console, très puissant. Pas un studio exclusif qui vaut la peine. Trois phrases. That's it. OK. Mais Knack. Knack, tu dis? Knack. Knack from the producers of Spyro and Crash Bandicoot. Knack. By the way, avant que la console sorte, on vous tease avec surprise un Uncharted qui va sortir sa console. Ouais, ouais. Ça, j'étais vraiment surpris, moi. T'étais là, surpris de ça, toi aussi. Je m'attendais jamais à ce qu'ils annoncent un nouveau Uncharted. Ça a l'air qu'il va y avoir un Halo aussi au Xbox, je dis ça de même. What? Là. Ouais. Ok. Hey, hey. Ouais. Pareil, là. Il m'aurait surpris avec Siphon Filter, je dis ça de même. Ok, ok. Il paraît que de l'eau s'est mouillée. Je dis ça de même. Ouais. C'est totalement évident. On revient au sérieux. Là. Oui. PlayStation 4, c'est sorti, c'est une belle machine. Vraiment belle machine. Il ouais. Y a des jeux. Une coupe. Puis, mais tu disais, il n'y a pas beaucoup de jeux de launch qui valent la peine, mais ce que j'ai remarqué, puis étant dans le détail moi aussi. Il paraît que Killzone il est très bon. Killzone a l'air écœurant. C'est pas mon genre de jeu, j'ai pas trippé ses autres, mais il paraît que lui est très bon, puis le monde qui aime le genre de jeu, il. Ben, t'as du monde aussi qui ont pas acheté Assassin's Creed quand il est sorti, puis qui l'ont acheté en masse quand le PlayStation 4 est sorti. Fait que, tu sais, beaucoup de monde que pour eux autres, c'est un nouveau jeu. Mais si je m'en ai dit, je comprends aussi, parce que j'aurais fait pareil, parce que, ok, je l'ai pas vraiment acheté tout de suite, le PS4, parce que je n'avais pas pre-orderé, puis tout. Ouais. Mais si j'avais à l'acheter tout de suite, c'est probablement ce que j'aurais acheté, un nouveau Battlefield, un nouveau Assassin's Creed ou quelque chose. Puis je m'aurais forcé d'attendre un ou deux mois pour pas acheter sur l'autre génération de console avant. Fait d'hiver, Need for Speed a remplacé Ridge Racer. Ouais. Fait qu'à ce temps, on a Need for Speed Rivals. Qui a de l'air bon, en fait. Qui a de l'air correct. Bon, il ouais, y a des bonnes critiques aussi. Hein. S'ils ont été capables de pogner Ken Block pour faire une promo virale avec le Jim Cannon, c'était la chose moi, la c'est... plus intéressante de tout. Le jeu, d'après moi, de voir Ken Block qui fait son Giancana, ou je sais pas, Giancana. Ouais. Ben, en tout cas, il a prononcé puis, comme cas, tu veux. Ouais, il est d'un char, il le course. Le gars dans le char qui course, là, je l'ai regardé cette semaine. Giancana. Il est d'un capoeira. Du capoeira. Ah, c'est du capoeira? Ouais. Dans son char, là. Banana, ouais. Mais moi, en tout cas, c'est le jeu de char en partant, il y en a tout le temps, tout début de console. C'est comme, c'est pas rien qui me. Je sais pas, là, la conduite, j'en fais tous les jours. Là. Fait que tu parles des jeux qui sortent, toi, là, ou tu veux en parler un peu? Ou... Non, mais ben, en fait, gars, on s'éternisera pas là-dessus, là. Non. Toi, t'as tes trois phrases. T'en veux-tu une quatrième pour la loc? Resogun, ça a l'air que ça vaut la peine. OK. Mais c'est qu'elle s'est rendue, là, que Resogun puis Flower, c'est les affaires que, d'après moi, m'intéressent le plus. Je trouve ça ben, un peu weird. Moi, j'attends un peu. Ah non, moi, je l'attends l'année prochaine. Plusieurs raisons. Mmh. Une affaire que j'ai entendue, je l'ai pas vue, parce que j'ai pas essayé vraiment, là. Mais il paraît que le menu, c'est quasiment la même maudite affaire. Ouais, mais ça marche bien, pareil. Je dis pas, il va bien. Ben, il va je mieux. Trouve... 45 secondes de loading avec les jeux non, qui s'installent pas au fur et à mesure. Non, mais pas pour le loading, plus pour le comment que le menu y est fait. Là. C'est comme le même menu qu'ils ont sur Vita, qu'ils ont sur les Blu-ray Sony, sont de même. Là. Ils ont tous le même menu. C'est comme un moment donné, change ça, non? Ben, gars, écoute, honnêtement... T'sais, ils ont peut-être pas livré la marchandise avec l'ancien, fait que ils donnent une deuxième chance. Ouais. Ça marche bien, ouais. Ben, gars, j'ai pas. Moi, j'ai un message d'intérêt public à passer concernant les lancements de consoles. Ah mais... oui, c'est vrai. Moi, j'en ai parlé un peu à Eric dans le char, puis moi, je veux conscientiser des gens. Avec ton expertise Ouais, mon expertise de gars qui travaille dans le domaine au détail des jeux vidéo depuis des années. Là. Qu'on s'en sac dans mon expertise. Comme conseiller d'invente en, sur en plancher fait, en passant. Oui, moi je suis au plancher, je suis la ligne de front. Moi, mon message s'adresse à toi, jeune adulte ayant de l'argent dans... Stéphano, 27 ans. Un nom commun moyen. 27 ans, il a de l'argent un peu dans son compte de banque, Stéphano. Puis, tu sais, Stéphano, je m'adresse à toi. Viens de Brossard. Toi, Stéphano, 27 ans de Brossard avec un peu d'argent, c'est ça votre jeu, là? C'est de me... Ben moi, j'aurais dit le Saint-Léonard parce que je voulais laisser dans J'avoue le thème, que Stéphano se fait Saint-Léonard. Toi, Stéphano... Il a déménagé. Si tu tiens dans le 10-30, il y a de l'argent. T'étais à Rivière-des-Prairies puis t'es rendu au 10-30. T'as de l'argent un peu. Tu voulais t'acheter un PS4 puis FIFA, tu sais. Faire venir tes bros chez vous. Non, mais, gars, en gros, là, tu voulais un PS4, t'as pas fait de précommande, puis là, tu fais, oh mon Dieu, j'en voulais un, puis tu vas voir ce qui gigit. Puis là, mais tu vois, tu sais, qu'il y a du monde qui vendent des PS4 à 1000$, puis tu fais, ah, maudite gang de voleurs. Stéphano, moi, j'ai une chose à te demander. Non seulement t'as raison en disant maudite gang de voleurs, mais sers ta carte de guichet. Envoie pas un message au gars puis achète-les pas le PlayStation à 1000$. Encourage pas cette gang de rats voleurs opportunistes de mange-marde. Si tu cherches. Il y en a là. J'ai regardé le lendemain du lancement, il y en avait à partir de $700 jusqu'à $1000. Et malheureusement, une demi-heure plus tard, il y a certaines de ces annonces-là qui étaient plus disponibles. Fait qu'ils avaient vendu. Stéphano, écoute-moi puis ouvre tes grandes oreilles. Je vais t'insérer ça à grand coup de knowledge. Stéphano, t'es un cave si tu payes ton PlayStation 4 $1000. Puis je t'explique pourquoi. T'encourages les gens à faire la queue pour acheter une machine pour t'en revendre puis faire de l'argent. Sur ton dos. Puis tu prives certaines personnes qui n'ont pas les moyens de payer $1000 de se procurer une console. Ta console, là, si tu payes 1000$, tu fais partie de la même gang de Chris d'épais qui n'achète pour la mettre au micro-ondes puis tirer dessus à coup de gun. Oui. Il n'y en a pas beaucoup de consoles sur le marché, Stéphano. Puis il y a des gens qui n'ont pas 1000$ à mettre sur une console à Noël. Puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous dans la vie. Fait qu'à chaque fois que Stéphano, que t'encourages quelqu'un en payant une console de deux fois le prix de détail habituel, ben, t'es la raison pourquoi qu'il y a un paquet de monde qui game pas, qui ont un paquet de consoles dans leur salon, puis qu'il y a un paquet de gamers qui ont pas de console dans leur salon. Moi, j'aime le monde qui tire dessus avec des M50 puis qui mettent au micro. À la limite, là, garde, écoute. Mais faites pas ça avec les Xbox faites One. Faites pas ça avec les Xbox One, Milter va brailler. Malgré que Milter, si on s'en fie à ton Facebook, tantôt, t'es rendu au PS4 puis t'as cancellé ta précommande. Ouais, ouais, non, juste de Dead Rising. Je vais l'acheter au PS4 okay. Après fête. Mais en gros, là, où je vais en venir avec ça, là, c'est tout simplement, c'est de dire que d'arrêter d'acheter ces consoles-là, moi, ça me purge. Ça me purge de voir que t'as du monde qui n'ont pas les moyens de payer 1000$ pour ça pour se divertir, puis qu'il y a une gang d'opportunistes. Ça, là, c'est. Vous rentrez dans la même catégorie que les scalpers. Le gars qui achète tous les billets d'un show pour les ben, vendre. Ben, le gars plus qui les achète pour les revendre, c'est un scalper de console. Ben, c'est ça. Puis quand t'encourages le scalper de console, là, ben, c'est toi le problème. Mais il y en a qui se font fourrer, parce que j'ai vu du monde qui ont fait ça pour la Wii U, là. Ils ouais. Pensaient que ça allait vendre partout. Mais c'est parce que la Wii U vendait pas. Mais là, la PS4, ben, ils réussissent à en vendre. Ils en vendent pas mal. Ils en vendent pas mal. Mais le monde, j'avoue qu'il y a du monde qui en trouve pas puis qui disent « Fuck off, je la jette à 800$ pareil. » Moi, je veux que Sony, ils font juste fournir. Ben, je veux qu'il y en ait plein qui sortent. Là. Je veux qu'ils se font claquer dans la face. Mais tu sais, où je veux en venir avec ça, puis Stéphano, moi puis toi, on n'a pas de problème. On n'a pas de « beef » entre guillemets. Mais tu sais, encourage pas ce monde-là. Puis attends, à la limite. Là, puis le message s'adresse pas juste à Stéphano, il s'adresse à tout le monde. Si t'écoutes le Geek Collectif, puis t'achètes une console non, à 1000$. Juste toi, Stéphano. Non, non, mais attends un peu. Si t'écoutes le Geek Collectif, puis t'achètes une console à 1000$, là, ben, je t'aime pas. Puis je m'excuse, mais là, j'ai pas de place pour toi dans mon cœur. Juste parce pour que comprendre. Tu fais partie là, du problème. J'ai mal compris peut-être, là, mais j'ai pas mal compris. J'ai compris. Mais là, t'es fru contre Stéphano qui achète. Ouais. Fait que t'es fru contre le résultat de la personne qui l'a acheté pour le revendre. Moi, ben, moi je suis pas fru contre le scalper, parce que le scalper, regarde, Calvin, il est opportuniste, puis il fait de l'argent. Ben, capitalism, baby. Ben, c'est ça, mais moi, je suis fru parce que il y a un cave à quelque part qui est willing de payer 1000$. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui paye plus cher, il encourage le reste du monde à le faire. Ouais. Fait que, tu sais, ben, le problème, c'est pas le scalper. Le problème, c'est le gars qui la jette. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est... Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur, ça fait longtemps, parce que j'ai vécu plusieurs lancements de consoles. Puis, c'est lourd sur ton cœur. Je suis rendu avec une tribune sur les internets qu'il y a 4 gars puceaux qui écoutent, selon Israël des guitares. 6 sur Twitch, fait que c'est 6 puceaux à soir. C'est pas mal. Kaïs le hockey. Kaïs le hockey. Mais, voilà, mais moi tant qu'à ça, c'est plus les scalpers directs que je trouve épais en même temps. Mais... L'autre, je me dis... T'es pas de payer ce prix-là. Force-toi. Ah, mais t'es encouragé. Ou quelque chose. Tu t'aides pas. Mais là, c'est ça, tu l'encourages en même temps, puis toi, tu t'aides pas. Puis lui, ben, t'es épais si tu la jettes pour la revendre, là, tu sais. Ouais. C'est pas mieux, là. Fait que PlayStation 4 mais sortait le 15 novembre. Mais ça marche pour toutes les consoles aussi. Ouais, on s'entend, pour l'Xbox ça One. Ça n'a pas rapport pour la PS4. Ouais, ben, au Xbox One, ils vont se vendre pour 2000$. Hey, là, j'ai un scoop pour toi, Stéphano. Si tu payes un Xbox One à 1000$, t'es aussi cave. Ouais. Fait que ça s'applique pas juste au monde de Sony. Même si techniquement elle est 500 et pas 400, puis que tu payes un peu plus. Tu sais, faudrait que tu payes 900 ouais, pour la PS4. Ouais. Ah, il y a un gars, là, à un moment donné, parce que j'ai fait un lancement de console, puis il y a un gars qui m'a dit à côté, il dit, moi, j'achète deux PS4. Une pour jouer avec, puis une que je vais vendre qui va financer mon Xbox One puis ma PS4 actuelle. On est rendu là. Ben, yeah. Il est opportuniste, mais il y a un cave qui va l'acheter. Ouais. Il y a un Stefano à quelque part qui va payer 1000$ pour un PS4. Ouais, il en achète deux de suite, puis dans le fond, il va payer deux, puis il va tout se rembourser. Fait que là, on va closer ça sur une note positive. Ouais. Belle machine, il y a des bons jeux, la manette est confortable, l'installation est en 45 secondes pour les jeux, ça va bien, c'est rapide. Fait qu'il y a un PlayStation 4 qui sortait, si j'ai vous n'êtes pas d'avoir au courant, la mienne, ben, c'est ça. Ah ouais, moi aussi j'ai hâte d'avoir puis la mienne. On risque sûrement d'en reparler un petit peu tantôt dans un sens. Clair, net et précis, mais mis à part ça, votre actualité c'est quoi? Moi je vais y aller. Tu veux Parce que oui, la PS4 est sortie, mais, préparez-vous, ils ont annoncé une nouvelle expansion pour World of Warcraft. Oh, encore? Encore. Elle s'appelle-tu quelque chose? Ça s'appelle Warlords of Draenor. Oh. C'est un retour... vers le futur. Vers le passé. Fuck! Proche. Mm. Mais dans le fond, c'est si tout le monde qui écoute, on sait que tout le monde haït WoW maintenant, là, je comprends le trip. Là. Mais moi, Burning, j'aime ça. Burning Crusade, c'était cool avec la Outlands. Mais là, on retourne à Outlands. On s'en va dans Outlands, dans le passé. On s'en va vraiment dans le passé quand les orcs qui étaient en pouvoir là-bas, dans le vieux lore de Warcraft. Tu précommandes le jeu, t'as-tu une DeLorean comme pet qui peut te suivre partout? C'est clair, hein? Ça serait malade, ça, là. André, c'est fucking sérieux. Là. Je lance ma carte de crédit à l'écran, mais... Tu vois, t'as une question pour mon expansion? Go, non, je le connais, mon shit. Comme... C'est quoi qu'il y a de plus? Ben, qu'est-ce que moi j'ai aimé? Dans le fond, il y a toujours... C'est juste une map, un terrain de plus, une race de plus. Tu peux aller jusqu'à niveau 100. Fait que tu vas avoir 10 niveaux. Tu peux pas déjà te rendre jusqu'au niveau 100? Non, c'est 90 en ce moment. Bah, ça, c'était... Fait que là, le level cap, ça va être 100. Fait que on retourne un level cap de 10 niveaux. Ça, je trouve ça de même, mais GTA Online, c'est level 120 le cap. OK. Je vais juste le dire. Bon, fait que là, t'as un cap de niveau 100. Tu vas pouvoir, quand tu crées ton compte, maintenant, tu vas pouvoir avoir un 90 instantané. Fait que si tu traînes les pattes, t'es comme, oh, je veux pas recommencer ça. Ouais. C'est-tu comme le gars qui te donnait un joint au début pis qui disait, tiens, le premier est gratuit, absolument. Puis après là, tu retournais le voir pis il disait, hey, c'est du Christ de bon stock, le joint, là. Ça, le prochain, là. Tu en rachetais d'autres. Ouais, ben, c'est à cause de bon. C'est, que c'est bon pour ça. Tu vas avoir une base maintenant aussi, un peu comme dans Warcraft, où ce que t'as une base avec des à maisons toi, à toi. Tu peux-tu construire des upgrades. Murs? Ouais, mais tu upgrades des murs. Ou ils font comme Warcraft 2 pis 3. Hein, ben, comme Warcraft 2 pis 3, dans le fond, là. T'aimais pas les murs, toi? Il y avait plus de murs, man. Ben ouais, ils mais ont enlevé. J'étais en crise. Les murs, je joue à Counter-Strike, tabarnak, là. Counter-Strike. Parce qu'il y a des murs. Parce que dans Counter-Strike, t'as des murs. Quand j'ai Counter-Strike, là. Tu voyais pas de murs, j'écris tout sais. Le temps W dans le chat, puis le monde, il se demande pourquoi. Bon, fait que là, moi, je trouve ça que moi, ça me fait tripper mes raids, là. T'as la nouvelle annonce, là, pour BlizzCon. Ils ont parlé aussi pour. Tu vas voir, ben, dans le fond, mes nouvelles, c'est sur BlizzCon. Moi, j'étais très excité le 8 novembre. Ah, il y avait du stock cool, honnêtement. Là. Il y a le Heroes of the Storm, qui est plus ou moins le Dota de Blizzard. Ouais. Tu sais, avec une cinématique où ce que tu vois Rainer de StarCraft battre avec Diablo lui-même. C'est assez vendeur. Le là, Ghost si de StarCraft triper. Qui revient depuis que son jeu a été cancellé. Ouais, elle est toujours triste là-dessus, mais elle est là, puis elle a. Paraît qu'elle boit la fin de semaine pour oublier ce. Tous les humains dans StarCraft, ils boivent. En fait, c'est très courant. C'est dans l'Ouest. C'est dans le Far West. Moi, le monde qui boit, là. T'as pas le choix. Fait que t'as ça, là. Dans BlizzCon, il y avait ça. Aussi, j'ai commencé à jouer dernièrement à Tiny Death Star, que je voulais parler d'eux, là, parce ouais. que c'est très cool, puis ça m'a tenu chaud au cœur. Parce que tu vois le petit logo de LucasArts. Moi, je pensais que c'était vraiment fini. C'est un jeu de téléphone. C'est un jeu de téléphone, mais tu vois le logo de LucasArts au début. Fait que moi, ça c'est, comme je te dis, c'est rassurant. Assez. Là, c'est mais rassurant on, parce qu'on sait que c'est l'avenir du gaming, des jeux de téléphone. À quelque part là-dedans, hein, ouais. T'sais. Fait que pour ça, c'est cool. Dans mes nouvelles, à part de ça, la promo de c'est une certaine compagnie que je donne. Ah, vas-y, Future Shop Best Buy. Future Shop Best Buy, que j'ai aucun rapport avec cette c'était compagnie. Cool, mais je connais ça, pas. Ça, on s'entend que c'était écœurant. Mais la c'était promo malade. Était bonne. Ouais. L'organisation, malheureusement, puis je sais que c'est du côté des gens, ils s'attendaient pas ça dans les magasins. Mais asti, c'était une des affaires les plus frustrantes que j'ai vues dans ma vie. Fait longtemps, là. Ça, c'était frustrant. Moi, j'étais dans le fil d'attente, là, pis, gars, j'étais avec vite bonheur, là. Mais il y avait une file quand t'es allé de bonheur? J'étais avec vite bonheur, j'étais avec vite bonheur, gars, j'exagère, là. Il était 8h30. Pis j'étais avec une demi-heure avant que le magasin y ouvre, pis il y avait une cinquantaine de personnes en avant de moi. Ah, c'est débile, là. On est rentré. Une fois en dedans, j'ai dû attendre environ une heure. J'ai eu mon jeu, que j'ai échangé contre un Brink pété que Microplay voulait pas prendre. Microplay, ils sont trop picky, de toute façon. Mais ils étaient craqués, ça a l'air dans le milieu. Mais avec leur garantie à vie sur leur jeu, ils n'ont pas le choix d'être picky. Ah, mais j'ai comprends totalement, là, mais c'est, moi, je l'ai gardé chez nous, puis je m'ai dit, je vais essayer de le passer au eBay Games, puis finalement, j'ai eu comme l'opportunité de le donner là. Fait que je l'ai eu, paf, j'ai eu un Assassin's Creed. J'étais allé chez nous, j'ai déjeuné. Je suis revenu plus tard dans l'après-midi quand mes kids ils étaient couchés puis que ma blonde lisait à la maison ou de quoi. J'ai dit, bah, j'ai rien à faire. Je vais aller me crisser dans le fil d'attente. Fait que là, j'ai attendu 1h30 à jaser avec du monde à Nowhere. J'ai rencontré du monde qui écoute le podcast. Dans le fil d'attente. De même, là, ben le fun. Là, il était avec ses enfants puis sa femme. Puis, tu sais, comme eux autres, il y a eu 3 jeux d'une shot à cause que son kid de 3 ans, il a réussi à avoir un jeu. Ce que je trouve weird, parce que c'est mature, puis même lui, il était crampé, il dit « Chris, ils me l'ont laissé », tu sais, c'est comme, tant mieux, mais il, tu sais, il trouve ça con en même temps. Ben, rendu mais, là, c'était style une pub, ben, là. C'est ça. Rendu là, t'as un jeu Jacinthe, gratis, là, qui est là, là, à sans calice, là, tu sais, ouais, là. Ben, le staff avait l'air de sans calice, c'est pas mal, là, ben, cette journée-là, là, on va l'être. En passant, on a la mention explicite pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois. Donc, habituez-vous. Il s'en calisse. En tout cas. Pour les gens qui ne nous écouteraient pas. Moi, j'ai eu 2 jeux gratis dans un sens. Battlefield puis Assassin's Creed pour des mardes, là. J'ai changé Pimp My Ride contre Battlefield 4. Fait que, tu t'es débarrassé de Pimp My Ride? Ben oui, oui, oui. Tu vas pouvoir le racheter dans un futur shop bientôt. Pour le pire, c'est que j'étais dans le line-up, moi, puis j'avais mon Sneak King, puis j'ai amené UFC Trainer. Thématique UFC, genre ça vient à soir. Puis finalement, j'ai gardé Sneak King. Ah, chez moi, je l'ai gardé, je voulais pas le trader. Au début, je voulais prendre Sneak King, aller trader le jeu, prendre le nouveau genre Assassin's Creed, aller le vendre au Microplay, prendre l'argent, puis aller m'acheter un trio chez Burger King, puis comme compléter le cercle. Full circle avec ça, là. Mais je l'ai pas fait. Ouais, ouais. Mais non, promo de first, c'était. Non, ouais, c'était cool. Une méchante offre. Moi, techniquement, j'ai même pas ouvert les 2 jeux, puis je vais les échanger la semaine prochaine contre Dead Rising 3. Mais j'ai. Fait non, t'as cancellé ta précommande, Milter, de Dead Rising 3. Ouais, t'as fait une annonce tantôt, là, t'as cancellé ça. Ouais. Puis t'as commencé à manger du Nutella, là. C'était bien de te connaître. Je suis pas allergique du tout. Mais moi, il faut que je fasse une mention spéciale à Dominique, qui est dans le groupe du Geek Collectif, là, puis un de mes amis, là. Mais lui, il est allé pogner, il a fait une run de 4 magasins, il a pogné 4 jeux. Puis mis pour 100$ envers sa PS4. Sérieusement, là, d'un joué, courageux, là. Patient. Dominique, là, man, tu peux pas jouer avec ça. Là, non, gars-là, c'est trop cool. Moi, je l'aurais refait. C'était juste le fun. C'était quasiment une ambiance de launch. Tu sais, dans pas un launch, là, mais tu sais, comme... quand t'es dans le fil d'attente à minuit pis t'attends que ton jeu, tu sais, tout le monde est un peu friendly. Mais moi, tu vois, c'était différent à mon vibe, moi. À Laval, là. En tout cas, ça, moi j'étais entouré de prépubères adolescents qui ont rapporté le terme yo. Stéphano, genre. Ah, Stéphano est avec moi. Moi, j'étais au celui à Anjou, fait que moi, j'avais Stéphano. Ah, ouais, c'est toi, il était. Ouais. Mais en fait, moi, j'avais une couple de Stéphano aussi. Moi, il y a une affaire pis ça, c'est une affaire qui m'a fait capoter pis c'est un réflexe aussi de dire, André, tu t'en viens vieux. Non seulement, j'ai une couple de cheveux blancs qui ont poussé, mais j'étais dans un line-up pis, j'ai été outré par les propos d'un de mes confrères qui attendait pour son jeu. Ça de même, tes cheveux blancs, ils poussent pas, c'est des cheveux qui meurent. Non, tais-toi. OK? Ça pousse, t'es arrache, puis il repousse après. Non, regarde, le jeune, il pogne son téléphone, puis je start ma phrase en disant le jeune. Donc, je suis catégorisé des vieux chialeux maintenant. Oui. Mais il pogne son téléphone, puis il fait « Yo, man. Amène-moi des chips. » Yes! Là, je suis là, puis wow! Moi, je pense, j'aurais fait ça dans le temps, j'aurais dit « Yo, man, amène-moi des chips. » J'aurais raccroché, mon père serait venu au Future Shop, puis il m'en aurait crissé une pour le principe. Il sort de la file. Puis il m'aurait sorti du line-up, m'a ramené à la maison. Il m'a fait rajouter avec mon Star Tank. Je serais à genoux dans le coin sur des petits poids, à réfléchir. Non, il dit à sa mère, yo, man, amène-moi des chips. Puis sa mère, elle devait être au Dollarama, parce qu'il dit, non, pas des chips de Dollarama, c'est pas bon. Je veux des Lays. Moi, je suis là, puis je regarde ça, puis. Je me sentais, tu sais, comme quand Eddie Murphy fait son sketch dans Delirious, puis il dit « J'étais dans une famille de blancs », puis lui, il sacré après son père, puis Eddie Murphy, il est surpris parce qu'il fait « Fuck, moi, je fais ça à la maison, je me fais arracher la tête. » Ben là, moi, je le regarde, puis je fais « Attends, tu viens-tu te dire ça à ta mère, toi, là? Wow! » Premièrement, t'es couilleux. Deuxièmement, crise d'effrontée. Mais là, il raccroche, puis moi, j'oublie ça. Une demi-heure après, sa mère arrive avec 4 sacs de Lay's puis des Pepsi. Pour toutes ses amies. Pour toutes ses chums dans le line-up. C'est incool, sa mère. Là. Sa mère, c'est probablement la mère dans l'annonce de Sunny Delight. Puis là, t'es jeune qui font « Hey, incool, ta mère a du Sunny Delight. » Ouais, elle existe, ta mère. Là. Hey, C'est tout croche. On peut regarder le vrai problème dans cette promo-là, par exemple. C'est pas triste. Ouais, c'est vrai. Il y a un vrai problème. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas un problème. Non, ça, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Mais le vrai problème là-dedans, puis ça me rend triste au cœur. Mais. Carry the old ball. Il y avait tellement de gens qui avaient juste pas de Call of Duty. Comme combien de personnes? Je pensais que ça s'est bien vendu. Moi, il y avait juste des Call of Duty qui restaient. Ouais, ouais. OK, fait Call of Duty. Tu parles de monde. De monde qui n'ont pas eu de nouveaux jeux. Les mondes qui n'ont pas. Ben ça, il y a tellement pas dire de monde qui achète des nouveaux jeux. Prenait pas Call of Duty, tu veux dire? Moi, où est-ce que j'étais, il restait juste des Call of Duty. Ben mais c'est ça, je pense aussi, qu'il y avait plus de Call of Duty à la base. OK, OK. Puis je m'en ai dit, il prenait pas le jeu parce qu'il devait tout l'avoir déjà. Mais ça, c'est drôle, tu mentionnes ça parce que quand j'étais en ligne en joue, il y a un gars qui est en ligne avec son GTA 5. Il est comme. Je peux l'échanger pour un jeu. Fait qu'il est là pour échanger son GTA 5 pour. Tu me fais penser à quelque chose. Moi, j'ai eu une idée puis j'ai passé proche. Hein. Je me suis dit, check bien ça. Au lieu d'attendre 2 heures pour avoir Call of Duty, je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du gars qui a commencé avec un trombone puis il a fini avec une maison. Tout le monde dans le line-up a un jeu qui ramène pour un jeu gratis. Puis là, moi, je me suis dit, pogne tous tes jeux de merde. Retourne dans le line-up. Prends ton Switch. Jeu à 1,50 puis là, tu regardes un gars puis lui, il a un jeu à 3$. Fais, hey man. Je te change mon jeu contre ton jeu. Ils vont le prendre anyways. OK, puis là, tu prends ton jeu à 3,50 puis tu le trade contre un autre, puis tu le quittes. Puis à la fin, tu te ramasses, tu as juste des jeux à 15 ou 20 piastres de trade. Puis tu vas les vendre au micro. Tu vas toutes les revendre après, puis tu te fais du trade. Moi, j'aime juste la référence au gars de trombone. C'est tellement Web 1.0. Non, mais écoute, Web 1.0, j'ai parlé de cheveux blancs, puis je t'ai offusqué par un jeune avec des chips. Fait que... Mais j'ai un de mes chums que j'ai croisé dans le fil d'attente, qui a fait pas exactement ça, mais il l'a fait comme une fois. Lui est arrivé, puis il y avait 2 GTA 4, parce que sa blonde en avait un quand elle a aménagé avec lui, puis lui, il en avait déjà un. Fait qu'il s'est dit, bon, on peut en vendre un, tu sais. Fait qu'il est arrivé dans la file. Il rencontre quelqu'un qui a un autre jeu, ou je sais pas quoi, que lui, il voulait. Fait que lui, le gars, il dit, ah, j'ai pas de GTA 4. J'ai comme, tiens, on se trade les deux, puis lui, il y avait d'autres jeux. Il a trade un jeu ça. De marbre ça, à c'est la place, cool, puis ça. Lui, il s'est fait comme un Call of Duty Modern Warfare 3 là, ou je sais pas quoi là, qui avait pas joué. Ce qui est impressionnant, c'est l'argent que Future Shop a fait cette journée-là. Là. Ça a oh, été ouais. génial. C'est toi, Milton, t'en as... ben, à moins qu'Eric ait pas fini. Mais... Moi, c'était vraiment juste ça. World of Warcraft, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que PlayStation 4. Puis j'ai très hâte au Xbox qui sort la semaine prochaine. Excellent. Puis je niaise au bout. Là. Prenez, les gens me prennent au sérieux, vous me connaissez pas. Non, mais on a la mention explicite, Eric. On a le droit de dire ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux, Eric. Cette mention-là, là, elle te protège contre n'importe quoi. J'ai tellement hâte pour ça que c'est Infamous Second Son. Là. C'est pour ça que ça s'appelle le nouveau Infamous. Excuse, on tolère pas le sarcasme, par exemple. Non, mais c'est quoi c'est Second Son? Oh, oui, c'est Second Son. J'adore Infamous. Là, c'est une de mes cool, Infamous. C'est une de mes franchises préférées, Sucker Punch. Je capote sur eux autres. Je veux juste remonter que je déteste pas Sony. Là. J'adore. Ils ont des Sony. Bons jeux, Sony. Là. On niaisait sur Uncharted 4 Man, tantôt, Hook, là, mais quand Hook, j'ai vu ça, j'ai non, fait c'est oh, juste que boy. C'est pas une surprise. C'est pas que le jeu est pas Hook, bon. C'est... Au Hook. Super Nintendo de Image Soft. My God. Image Soft de Sony Company. Je dis ça de même. OK, on le sait que tu connaissais les jeux vidéo, Eric. Là. Tu peux arrêter. J'aime ça. Masturbation intellectuelle. Yeah, Image Soft, man. Dracula the Movie. Keanu Reeves Digitized. Image Soft, baby. OK, go. Moi, parlant des affaires un peu de console que tu dis, ben, c'est con, là, mais l'épisode de South Park, la dernière semaine, ouais. est carrément un gros... En plus, j'écoute pas Game of Thrones, mais c'est une référence avec Game of Thrones, les fanboys Xbox, les fanboys Sony, c'est à regarder. Quand tu regardes ça de haut, puis que tu trouves ça drôle, puis que tu t'en fous un peu, ils sortent tous les arguments avec des... Oui. Des faces de piteux de ouais mais j'aime mieux la manette de l'autre tu sais puis c'est comme ok mais tu le sais qu'il va falloir qu'on se batte si on se voit à cette heure puis ben oui c'est des arguments qui ont aucun rapport peut-être qui sont juste très drôles puis en même temps qu'est-ce qui est drôle c'est que South Park a sorti plein de trailers pour leur nouveau jeu qui s'en vient Stick of Truth puis moi qui adore South Park puis en plus qui adore les RPG classiques du style les vieux Final, les RPG de Breath of Fire, puis ce style de jeu-là, ils refont le même concept de combat puis de tout, sauf une histoire à la South Park. Puis quand tu regardes les vidéos sont incroyables. C'est cool. Comment que t'apprends des moves par le père de Stan qui te montre des moves de pet dans les toilettes avec des animations incroyables. C'est malade. C'est vraiment drôle. Puis les... les bardes qui racontent des histoires pour monter le moral des troupes ennemies, mais les tunes sont tellement vulgaires et explicites que ça a pas de sens. Vas voler des cigarettes pour le clan des goffs. C'est vraiment l'univers de South Park, mais RPG, là, ça va être puissant. Là. C'est pas un petit jeu là, d'arcade comme ils ont fait. Là, le Tower Defense est super bon. Le Scott Tetterman, Mazda, il est moins c'était bon. C'était bien meilleur Chef's Love Shack. Mais, ça fait longtemps. Tu sais, le quiz game, là, que ça commençait avec Chocolate Salty Balls. Tu sais, c'était drôle pour l'année que c'était, mais c'était pas un jeu qui allait durer 15 ans. Là, moi, c'est un jeu que je jouerais live. Là. Mais, tu te souviens-tu le jeu de South Park qui était comme un GoldenEye? Ouais, tu lançais des boules de neige pleines de pistes. Ouais. Puis t'avais des gun aliens, des cochons qui chiaient, des poules qui tu pitchais des œufs, c'était vraiment drôle dans le temps, mais en tout cas, ça c'est par rapport là. Mais le RPG de South Park, il m'intrigue de plus en plus, puis probablement le dernier jeu que je vais acheter sur une console de cette génération, à moins qu'il sorte sur Xbox PS4 dans le prochain shot là. Perfect, puis on verra, là, encore là, c'est un jeu là. Petit RPG South Park. Là. T'es calme cette semaine? C'est juste ça? J'ai pas grand-chose, ouais. Mais c'est quand même pas juste un petit RPG, là. Non, c'est un méga long RPG qui va durer genre 120 heures, là. Sauf que c'est dans l'univers South Park, mais je parle, ils ont juste sorti des trailers cette semaine. Fait que, tu as regardé un peu du gameplay? C'est carrément du cool. Classique RPG, là. Ton menu autour de toi, comment tu le choisis, tes moves, tes Des armes, bons clins d'œil à plein d'autres jeux aussi, là. Ouais, plein de jeux, puis plein d'affaires de l'univers South Park, puis plein de comme inside avec justement les jeux médiévaux fantastiques un peu de ce genre-là puis tous les autres jeux justement là c'est juste le bard là c'est Timmy là mais ses chansons sont il y a encore les Lords of the Underworld avec lui ben je sais pas si c'était eux autres là mais comme il montait le moral de trois troupes là, comme des petits archers puis des petits chevaliers nowhere là puis les chansons pour leur monter les morales dans le fond c'est en gros, il décrivait un gangbang, mais en chantant sur des petits airs de barde elfique, si on peut dire. Ah, boy! Fait qu'il chantait deux, trois petits verses de gangbang descriptif. Puis les gars sont comme, les morales, les troupes, les morales, ils montent. Fait qu'ils ont un petit bonus d'attaque ou de speed ou quelque chose de même. Puis là, toi, ben, t'as tes bonhommes sur le côté, là, dans le fond, que c'est Stan habillé en chevalier, puis Kenny en princesse, puis des cossins de même, là. Ah, mais c'est cool, ça. J'ai hâte de jouer, honnêtement. Là. Ça va être juste drôle, puis il y en a plus de bons classiques RPG, là, tu sais, là. Mais on dirait, moi, tu vois, j'ai une théorie là-dessus, puis c'est une théorie très personnelle pour moi, là. Mais on dirait, c'est pas qu'il y en a plus de bons jeux d'RPG, parce qu'il en fait encore des très bons. Ben, ils sont c'est sur moi portable. Qui. Ben, il y en a encore sur les consoles. T'as eu une couple. Mais c'est, on dirait, c'est que moi, de mon côté, c'est que j'ai plus la patience de jouer à ça. Ouais, aussi. Ça, c'est comme. Gars, moi, honnêtement, Final 12, là, tout le monde le trouvait malade. Moi, ils m'ont intimidé. Puis c'est con, j'ai été capable de faire Skyrim. Mais Final 12, là. Ah, que c'était long. Il y a bien des jeux du genre qui m'intimident. Comme j'ai pas 12, joué à Skyrim. Il était bon le 12, j'en doute pas. J'ai joué un peu. Puis c'est juste qu'il m'a intimidé. Ce qui m'intimidait, notre Final 12, là, Skyrim, là, tu passes à côté du coffre, tu peux revenir plus tard. Final 12. Ton White Mage, il est rendu où là? Mon White Mage en Final 11. Ouais. Je suis rendu level 34. La 14. Excuse-moi, 14. Final mais c'est, 11, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup, là, 12. Tu peux faire du backtracking. Moi, c'est, la seule affaire, c'est Final 12. Tu sais, t'avais un spot, là, que t'avais l'ultimate weapon, fallait que t'ouvres ces coffres-là dans un ordre. Si t'avais fait que t'es rendu là, pis t'es rendu intimidant? Non, man. Ok. C'est que j'entendais mes chums parler, pis j'ai fait, hey, fuck off. C'est quand t'as vraiment que t'es rendu là. C'est... Final, là, c'est juste que j'étais écœuré de me rendre à 70 heures, pis faire, à 20e heure, t'as oublié de faire de quoi, fait que t'as fait un scrap. Ok, je recommence pas ça, fuck ça. Là. Fallait que t'aies chassé un chocobo en particulier à une heure. J'ai plus dans la patience de faire ça, honnêtement. Là. Mais c'est des super de bons jeux pareil. Il y en a encore qui existent, mais. Ouais, il y en a moins. Là. Moi, j'ai évolué, j'ai changé en tant que gamer. Là. Ouais. Mais moi, lui, il me tente parce que c'est South Park aussi. Ah, c'est ça. Mais j'aime il est nouveau, ça se prend pas au sérieux, c'est cool. C'est là. Ça. Puis les gens qui aiment South Park sont comme ça, Milter. Ouais, on est de même. Ouais, ben c'est vrai, c'est parce que si t'enlèves les jokes de pet de rot, il n'y a aucune profondeur à South Park selon bien des gens. Il y avait la joke que j'ai aimée, là, that's how Xbox people are. Ou... Ah. C'était pas dans le dernier, ça, là? Ouais, c'est dans le dernier épisode, tu sais, ils arrêtent pas, ils sont de même les mondes d'Xbox. Ouais, c'est vrai, même le monde de on Sony. S'entend, là, la photo qu'Xbox a publiée, félicitations à Sony pour leur launch de PlayStation, là. C'est cool, ça. C'est du PR, ça a fait jaser le monde. Non, le monde sont pas sûrs, ils sont sarcastiques. Regarde. Je suis sûr ils sont honnêtes. La réalité, là, des choses, là, c'est qu'on peut pas avoir une industrie de jeux vidéo sans au moins, comme minimum, strict minimum, deux consoles fonctionnelles qui ont du marché. La rivalité fait que l'industrie survit. Là. C'est exact. Le jour qu'on a juste une, là, run for the hills, là, man. Là, ça veut dire qu'on Le jour qu'on a juste une, un PlayStation 5 sur Kijiji, là, ben, ça, serait jamais ça va être 3 500 $. Si ça l'arrive, ça va être une Xbox, mais cela dit... Moi, peu importe, je vais l'acheter. Même à 3 500 $? Non, mais je vais attendre d'en trouver une un moment donné. C'est correct, bon, ça va être la Steam Box. Je vais acheter le bundle qui vient avec une PS Box... PS Box. Hey, PS Box One. PS Vita Box. Ça, je voulais dire. Mais... Non, ça s'appelle une Steam Box, puis tu fais juste switcher le OS. En tout cas. Ouais, moi, c'est bien plus fade que vous. Parce que c'est sûr, oui, il y a eu World of Warcraft, il y a eu PlayStation 4. South Park. Il y a eu South Park Stick of Truth. Puis moi, regarde, c'est Pinterest. Oh, oui, c'est vrai. Ouais, là, je parlais de ça, en tout cas pour les auditeurs. Je parlais à mes confrères que mon actualité de la semaine était Pinterest. Puis ils m'ont demandé comment ça allait, ma nouvelle cure de pilule d'estrogène. Puis, non, regarde, écoute, c'est bien simple. Pinterest, c'est le seul média social que je me sacrais comme dans l'an 40, que Milton n'exploitait pas. Puis... J'en ai un en passant. Tout le monde en a un, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça sert à rien. Ben, tu vois, regarde, justement, là, j'ai une utilité à ça. Ah, mais j'en ai trouvé une couple depuis aussi. Là, je vais te laisser aller, hein. Honnêtement, ça m'a sauvé. Je veux savoir, parce que quand tu m'as dit j'utilise Pinterest pour... Je peux-tu te dire pourquoi? Vole-moi pas mon punch. OK, je vais attendre que tu le dises. Mais pour comment que t'es initié à ça, là? Mais moi, je m'y dis carrément après, pourquoi que c'est pas juste fait un album photo sur Facebook? Moi, je vais t'expliquer pourquoi. L'utilisation de Pinterest, OK? Ma blonde qui capote bien raide là-dessus a dit pourquoi qu'on se fait pas un board? Ta blonde, c'est une femme, là. Juste ma blonde, c'est une femme, oui, effectivement. C'est ça, j'aurais dit mon blond. OK. Mon blond, mais m'a dit on sait que Pinterest, d'habitude, c'est plus des femmes qui sont là-dessus. Ben, effectivement, écoute, à m'en fier à la liste de gens qui est disponible là-dessus, c'est principalement des femmes. Mais ma blonde me dit pourquoi qu'on se fait pas un board? Un board étant un genre d'album où on pine des affaires. C'est-tu un à deux? Ben, tu peux les partager, tu peux en faire des secrets, tu partages, puis tu te quittes. Fait que là, elle dit, on va se faire un board chacun qui va être des suggestions de cadeaux de Noël. Fait que là, toi, Milter, je t'ai entendu, tu m'as dit, mais André, pourquoi me faire un board de Pinterest quand je peux juste me faire un album photo? Ça revient au même pour moi. Ben, oui, puis non. Parce à que... part que vu que t'es sur Pinterest... Il n'y a pas personne là-dessus. Fait qu'il n'y a personne qui voit ça passer. Tandis que sur Facebook, t'as plein de tes chums qui vont dire « c'est ta robe de chambre de Star Wars. » Sur Pinterest, il y a la fonction d'avoir le lien direct. À même la chose. À même l'objet. Fait que tu pines quelque chose, puis c'est le lien vers le site web. Fait que je te donne un exemple. OK, ouais. Ma blonde qui tripe bien raide, c'est renard. Elle a une fixation sur les renards. C'est vrai mot pour c'est mot. Non, pour vrai, elle capote raide. J'y ramène un renard du jour au lendemain. Un vrai? Puis c'est que c'est comme elle broye sa vie tellement qu'elle est heureuse. Un de vrai, ça. Là. Oui, elle ferme ses yeux, elle voit des renards. Je confirme cette folie. Oh, non, mais un vrai, c'est dangereux. Non? Ben, ça pourrait. Non, mais ça dépend. Là. Ok, je vois. Ça dépend quelle lignée de descendance. C'est un renard. C'est pas mais regarde, un grosso modo, elle voulait des supports à livres pour les renards. Okay. Fait que j'y ai pas acheté. Chérie, si t'écoutes le podcast, mets pause là. Avance de 10 minutes, puis ne reviens jamais en arrière. Attends, des supports à livres pour les renards. Ma blonde tripe ses renards puis ses livres. Fait que là, tu sais, comme des tiens-livres, là, c'est comme deux affaires, tu mets des livres de entre renard. Les deux en forme okay, de renard. Ok. Là, moi, je vois ça. Tenir, c'est renard, Milter, toi qui n'es pas sur Pinterest. Ben, en fait, toi qui es sur Pinterest. Milter, il est tout fucked up. Je sais pas quoi qu'elle veut de quoi pour retenir des renards. Non. C'était là, Chris. Focus, Milter. Ça focus. Bouge, ouais, mais... Toi, là, qui est sur Pinterest, mais qui l'utilise pas. Si je te dis, j'ai besoin de soutien à livre en forme de renard, j'achète ça où? Je sais même pas comment écrire ça dans le search de Pinterest. Tu vois, première année de te faire troller. Je suis même pas capable d'écrire ça dans Bing. Non. Bing, il m'aurait sorti. Non, Bing m'aurait sorti qu'est-ce que je voulais parce que Bing, c'est le meilleur search engine. Très bon, vraiment meilleur que Google. Kinect vocal, j'aurais dit Xbox, Bing, support à livre en renard. Puis Puis tu l'aurais trouvé. Mais c'est plus que l'écrit, je me semble. Mais c'est ça. Mais tu sais, grosso modo, c'est que l'avantage de Pinterest, c'est que j'ai pu cliquer sur un lien pour les de support à livres en renard. Okay, ouais. Puis je peux les acheter. Ouais. Puis d'un autre côté, ça quand t'amène moi, à Amazon, dans le fond. Ben, ça t'amène à Amazon ou la compagnie allemande de Slash Dirch. Genre, on est we're not IKEA. Point, c'est, comme un, c'est comme un petit loup, dans le fond, ça, un renard. Ouais. Ouais. Non, je pense pas que c'est comme un. Ok, c'est focus, guys. Okay, fait que Pinterest, c'est un board. Un board avec toutes les idées de cadeaux de Noël qu'on s'est partagées entre nous autres. Fait que moi, j'y ai fait ma liste. Ouais. Puis elle m'a fait sa liste. Puis là, ben, tu peux même rentrer, parce que Pinterest, tu peux pas juste acheter en ligne. Tu peux aussi rentrer chez David's Tea et dire. Il me faut cette tasse-là. Puis montrer la photo sur ton iPhone ou ton, ton Android. Puis eux autres font « Je n'ai plus en stock, voyons. » J'ai plus jamais rien en stock. Tu sais, Chris, t'es-tu fou? On l'a posté sur Instagram il y a 2 heures. C'est sold out. Fait que, tu sais, c'est à ça que ça sert, Pinterest. Pinterest, c'est un bourbier d'éternelle déception. Ouais. Mais tu peux te faire des listes de cadeaux de Noël. Là-dessus. Fait que, dans le fond, Pinterest, c'est comme le highlighter dans un gros catalogue. Là. Pinterest, c'est le catalogue Sears... 2013, non. Sans la section c'est des sous-vêtements. C'est distribution consommateur. Je te garantis qu'il y a un Pinterest de sous-vêtements, fait que va pas là. Non, non, mais en fait, tout le monde a un board Pinterest de sous-vêtements. On vous invite à partager votre lien de board Pinterest avec nous sur la page Facebook. Miltree, ça va nous pogner un board Pinterest fait, de... Hey, on devrait partir un board Pinterest du geek collectif, puis le monde, il pine des affaires par rapport dedans. Je suis sûr que ça se fait. Tant qu'on commence à continuellement dire Pinterest... Pinterest. Non, mais en tout cas, regarde, grosso modo, là, ça a été ça. Puis honnêtement, moi, ça simplifie mon expérience de magasinage de Noël, qui se résume d'habitude à rentrer dans un magasin le 22 décembre, acheter pour 50$ de Calinours, splitter ça dans 3 boîtes, emballer ça avec du papier de la Ramochi, puis avoir l'air d'un cave le lendemain. Aucun commentaire, André. Je dois être honnête avec ça. Là. Mes cadeaux de Noël, d'habitude, là, moi, c'est le 21, 20 puis 22 décembre, ça se passe. Puis Clémentine est swift, là. Elle n'en veut pas de elle m'a saisi tout de suite. Elle a dit, je vais lui donner une liste claire, nette et précise avec des liens. Là. Mais le pire, c'est que non, parce qu'il y a bien des affaires. Elle me pinait des affaires là-dessus. Puis j'allais regarder, puis ah, il en reste plus. Le site n'existe pas. Out of stock, des affaires de même. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, chérie, c'est, ton idée est géniale, mais... Mais moi, des affaires que je peux t'acheter, parce que là c'est beau le concept, là, c'est cool. Là, mais un Pinterest plein de renards, là, on se calme. Pas juste des renards, il y a des hiboux aussi. Pis, C'est dangereux, c'est des loups. Elle a-tu mis les petits pandas rouges? Non, elle a mis la tête de chevreuil en porcelaine. Ça, c'est aussi. Creepy un peu. Dude, non seulement c'est creepy, mais par contre... C'est les yeux rouges. T'arrives à une place, puis je rentre. OK, on va le dire, j'étais allé à la maison Simons. T'as un genre de hipster hautain que j'arrive. Excuse, t'as-tu ça, toi, la tête de cheval? Écoute bien, là. T'es bien que trop tard, là. Ça, c'est l'item qui est à tu la comprends, mode. T'es bien trop tard, on est fêtes, plus 85. Puis... T'écoute, premièrement, c'est ça, t'sais, on n'a plus depuis 1980. Non, mais le gars, il me regardait super condescendant. On a plus ça en stock, voyons, les têtes de chevreuil puis tout, hey, c'est la grosse mode cette année. T'aurais dû le sentir, ce trend-là. Puis là, moi, je la regarde, puis tu sais, il me dit c'est la grosse mode de cette année. Check nos deux têtes de cheval qui sont là à côté de la bouteille de Jaeger. Ben, tu vois, mais ça, c'est des chevaux, là. Oh, les non, chevaux, c'est pas chevaux, en mode. Les chevaux, c'est des chevreuils. 2011. À la limite, ta bouteille de Jaeger, elle a 50% de la recette. Ouais. Tu sais, le gars, il a trouvé le moyen de me faire filer cheap, de venir acheter une tête de chevreuil, comme si c'était moi le cave, parce que j'avais pas catché que c'était à la mode. Puis tu l'as Chris. Je peux-tu t'acheter 3 sets de bolo? Tu sais, des cravates molles là, en bolo. J'ai dit, ça va revenir à la mode l'année prochaine, je t'en avance. Tu sais, c'est comme... En tout cas, regarde, Pinterest, c'est un paquet de cadeaux bizarres, mais c'est une bonne idée. Simon, ça a des douchebags qui hey, d'autres, ça n'a pas de sens, voyons, là, regarde, écoute. Mais c'est pas grave, puis honnêtement, je dois donner ça parce que là, je viens de faire des jokes sarcastiques là-dessus, mais... Moi, ma blonde a la manière de décorer qui est vintage, puis c'est super cool. Elle a des vieux radios, des vieux appareils photo, tu sais, comme des valises, des lampes, puis c'est super beau chez eux, puis ça fit bien. Fait que tu sais, la tête de chevreuil, dit de même, ça a l'air freaky, mais quand j'ai regardé les images de déco qu'elle m'avait donné, c'était vraiment cool. As-tu un lecteur CD cassette Electro Home, là, que tu peux acheter pour 80$? Non, je pense pas qu'elle a ça. Ouais, c'est pas vintage encore. Hein. Ben non, mais. Pas assez. Pas encore. Ouais. Bientôt. Mais ça va un gars rêve. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, gars, sujet de la semaine, Pinterest, cadeau de Noël, puis ça tombe bien. Parce qu'après cette courte pause, cette pause ravitaillement, cette pause rafraîchissement, on vous invite à aller vous chercher un breuvage d'adulte rafraîchissant. pendant que le bébé braille, ça tombe bien, on va arriver en pause. Hein. Donc, si vous êtes au bureau, c'est un café, un thé. Si vous êtes à la maison, ben c'est un scotch ou ben un dry martini dans un chapeau melon. On va laisser Milter aller au kid. On va laisser Milter aller au kid. Et on vous revient après cette courte pause avec l'épisode de la semaine qui va être le guide cadeau 2013 du collectif. Donc, de retour de cette courte pause, les breuvages d'adultes sont rechargés. Le guide cadeau du collectif. C'est oui. quoi le guide cadeau du collectif? Ben, c'est un guide cadeau. C'est aussi simple que ça. C'est nos ça. Trucs, nos astuces, notre vision sur comment rendre Noël le plus cool possible pour d'après le moins cher autres, possible. Là. D'après trois gars. À moins cher. Trois possible. Visions différentes, moins cher possible. C'est le plus cher possible. Lamborghini, aussi, puis. Ben, écoute, Lamborghini. Un Hummer électrique? Ouais, ça goûte cher à Chris. Ouais, c'est comme... ça, je vais l'enlever de ma liste de c'est choses. Trois fois le prix d'un Hummer. C'était moyen, ça vaut la peine. Mais... mettons, c'est une échelle de 0 à 10. 10 étant un Hummer. Un Hummer électrique, ça coûte combien? 30. Au moins. Parce que c'est trois fois le prix. Au moins. 38, c'est full équipe, le lecteur Blu-ray dedans. Pis tout. Mais ouais. Wow, là, c'est quoi le but d'avoir un Hummer s'il est électrique? Je m'excuse, ben, là, ça ruine un peu le c'est but. Comme le hippie qui va dans les montagnes avec son char. Ouais, mais le Hummer, c'est tellement un symbole de surconsommation. Il y a du monde qui en veut dans quelque part. Que ça soit du gaz. Il y a du monde qui le veut. Fait que, dans le fond, question d'entrée en table, les boys. C'est quoi qui définit un bon cadeau? C'est quoi, selon vous autres? Qu'est-ce qui fait que c'est un cadeau qui est bon? Je peux commencer? Ouais, ben, garde-toi. Quelque chose que la personne... t'as fait des recherches. Quelque chose que la personne veut. OK. Ça a l'air comme... Faut que tu saches qu'ils vont aimer ça. Faut pas que tu essaies d'imposer de quoi que tu penses qu'ils vont aimer. Moi c'est ce que j'allais dire. Quelque chose de t'sais, que la personne aime. Là, t'sais, quelque chose que tu le sais que la personne va aimer. Mais il y a une petite exception que je trouve qui fait bon cadeau ou pas. C'est un cadeau disposable. Dans le sens que oui, disposable. Oui, la personne aime du vin. Oui, la personne aime de la bière ou quelque chose. Je trouve pas ça si cool que ça peut-être à donner... Ben, il doit y avoir des occasions ou des catégories de personnes à qui ça serait cool. T'es invité chez quelqu'un pour souper, oui, puis t'achètes une bouteille de vin en cadeau de même, mais si c'est ta mère, exemple, tu y achètes un vrai cadeau. Juste donner une bouteille d'alcool à quelqu'un ou donner... Je sais pas, je trouve ça poche, ça, comme cadeau, parce qu'une fois que la personne a bu la bouteille de vin, il n'y a plus rien après, comme... Ah, mais ça dépend. Mettons, là, une bouteille de vin, là, tu te bases sur quelle braquette, là? T'sais, on se dit, mettons, une bouteille à 10$. C'est encore plus ridicule bouteille... si je te donne une bouteille à 200$, parce que c'est 200$ que tu vas passer dans le même temps, probablement le même soir. Ouais, mais d'un autre côté... Tu vas être content. Moi, tu vois, puis je veux aller quelque part avec vous autres là-dessus, là, mais pour moi, un bon cadeau, c'est quelque chose que je m'achèterais peut-être pas nécessairement moi-même aussi. Mmh. Je te donne un exemple, là, regarde, à 23 ans... Je me suis fait donner un Michelangelo en Ninja Turtle qui faisait un pied. À 23 ans, j'irais pas chez Toys R Us m'acheter un Ninja non, Turtle. Non, non, ça, je suis d'accord. Mais je me l'ai fait donner, puis je tripais en maudit. Fait que, tu sais, pas pour te challenger si ta bouteille de vin, mais mettons, là, une bouteille à 200 piastres, justement. Mais c'est pas disposable, tu l'as encore, ton Ninja Turtle. Oui, mais d'un autre côté, où je vais en venir avec ça, c'est si je me fais donner une bonne bouteille d'alcool, que je me paierais peut-être pas nécessairement moi, parce que dans mon budget, dans mon divertissement, parce que du vin, c'est rendu du divertissement, je ne mettrais pas une bouteille à 200$ dans mon cellier, tu sais. Fait que peut-être de recevoir ça en cadeau, moi, je trouve ça cool. Mais c'est moi. Mais je peux-tu peut-être. Définir de quoi? On parle de cadeau de Noël. Là, on parle... Parce ben, que oui. Moi, je trouve qu'une bouteille de vin, c'est plus acceptable que cadeau de fête. Il y a du monde qui donne ça pareil. Comme cadeau de fête, ouais, mais même là, je trouve que ça revient à donner un cadeau. C'est une autre question, ça. Est-ce que des cadeaux pour différentes occasions, ça devrait être pensé différemment? Ben, effectivement. Oui, c'est sûr que pour la Saint-Valentin, tu penses pas de la même façon qu'à Noël ou pour une fête, là. Ben oui, la Saint-Valentin, c'est du GH puis des capotes. Ouais, on s'entend, tu sais, tu donnes pas d'autres choses. Un peu de lube puis... un peu de lube puis du chocolat. Si tu l'aimes vraiment. Il y a rien qui dit plus mieux « je t'aime » qu'un peu de lube. Ouais. Je pense que ça, il va y avoir un meme de ta face sur internet avec cette phrase-là, mot avec pour mot. Avec la grosse barbe. Ouais, ouais, ouais, ça fait pas rapiste pas tout. Ok, fait que dans le fond, un bon cadeau de Noël, c'est quelque chose qu'on s'achèterait peut-être pas nécessairement nous autres, mais qu'on aime, qu'on a fait des, que la personne a fait des recherches. Puis c'est quelque chose qui te prouve que la personne, tu sais, a pensé à toi dans le fond un peu. Là. On s'entend là-dessus. Là. Mm, ouais. Un bon cadeau, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il faut que ça soit. Là, le contexte cadeau de Noël. Ouais. Est-ce que la surprise est encore importante en 2013? Mmh, oui. Ouais? Je pense que la surprise restera toujours importante. La surprise rajoute beaucoup, d'après moi. Parce que ça, on parle souvent de magie de Noël. Là. Mais genre comme cadeau à 23h59, le 20, comme avant minuit, à la fin de la journée du 25. Mais peu importe quoi, peu importe quand tu l'ouvres ton cadeau, c'est juste que jusqu'au fait que tu le reçois, là, si c'est quelque chose de vraiment cool, que tu t'attendais pas... Ben c'est ça. C'est vraiment nice. Ben je trouve que si tu t'en attends pas, ça rajoute comme la cerise sur le sundae du cadeau. Tu sais, c'est comme... C'est déjà super cool, mais hey, je m'y attendais pas pantoute. Puis je trouve que c'est là que tu peux apprécier ton entourage à sa juste valeur. Je te donne un exemple, là, mettons, là, tu te fais une blonde, elle te donne de quoi te vraiment réfléchir, tu vois ça, puis tu fais comme « fuck, hey, même moi, là, je suis surpris que toi aies été capable de penser à ça. » Puis pas parce que toi-même, cool. tu l'avais pas mis sur ton Pinterest, genre, tu sais, t'aurais pas piné ça sur ton Pinterest, mais tu te ramasses avec pareil, tu sais. Mais elle sait que tu le voulais. Ouais. Fait qu'on est d'accord que, dans le fond, la surprise en 2013, c'est encore important pour la magie de Noël. Moi, si ma... Exemple, comment dire ça? Si ma blonde, elle m'arrive, puis elle me dit « Là, là, tu t'achètes pas d'Xbox, c'est ça que je t'ai acheté pour Noël. » Ouais. C'est pour prévenir, je peux comprendre, parce que c'est quelque chose de dispendieux, elle sait que je courais peut-être après, ou j'en veux un. La surprise est pas là, mais ça va être apprécié que je l'ai en cadeau. Très apprécié. Live, là, sur le fly, tu me ramènes une question. Puis, tu sais, comment on prévient ça? Tu sais, c'est comme moi, mettons, là, dans la vie, là, j'essaie de mettre un moratoire. Mettons, comme de novembre à décembre, là, achetez pas 40 millions d'affaires là, parce que un moment donné. Là, ouais, mais m'en revenir là-dessus encore en disant, elle m'a prendre un exemple sur la console. Je le sais. À l'âge que j'ai, que j'aurai pas ça en cadeau par ma mère puis mon père parce qu'ils se mettent ensemble puis qu'ils m'achètent un cadeau puis c'est un gros cadeau, c'est une console puis quelque chose de même, que si j'avais, il va falloir que je l'achète moi-même. Ouais, mais ça c'est correct, c'est ça. Fait que, ben, ouais, mais ça c'est correct, mais si genre ma blonde est capable de faire l'effet surprise qu'elle, elle m'a peut-être acheté une PS4 déjà puis je le sais pas, puis que vu que j'ai plus ou moins l'intention de m'en acheter une tout de suite avant Noël, si je à moins que je suis vraiment capable, mais ça me surprendrait. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Ben, dans l'effet si contraire, avec c'est ça cruel. Noël, c'est comme... Ben, pourquoi c'est cruel? Non, mais tu sais, hey, achète-toi pas une Xbox, là, regarde, tu vas peut-être en avoir une à Noël. T'arrives, tu déballes, puis là, t'as le grand livre de l'automobile 1958. Ça, c'est sûr, c'est chien si tu l'as pas, là. Mais en tout cas, tu comprends mon point de vue, qu'il y en a que ça peut être pour prévenir, mais si elle est capable de faire que je la jette pas, puis qu'elle me le passe en cadeau à la dernière seconde, bang, t'as une Xbox ou une PS4 ou quelque chose, c'est comme le cadeau ultime. Mais là, quand on parle de surprise, caché. On parle-tu de niaisage aussi, un peu de trolling, comme on pourrait dire, où c'est que ton kid qui veut une Xbox, tu enveloppes un bottin ou tu enveloppes, ça c'est cool faire ça, ben, j'adore ça. Moi je fuck avec les kids un peu en mettant dans des boîtes de CD que j'ai de la job, genre différentes, fait que tout est formé de comme des boîtes de la même forme, fait qu'il y ait une Wii U comme qu'ils ont eu l'année passée ou un autre bonhomme ou jamais, un monsieur patate, ça, mais c'est il cool, sait ça. Jamais qu'est-ce que c'est à cause de la forme de la boîte, ça c'est sûr. Puis pour moi, ça s'enveloppe mieux. Puis là, en restant un peu sur le sujet, t'as-tu déjà fait à semblant qu'ils n'ont pas eu qu'est-ce qu'ils voulaient? Puis là, après ça, le dernier cadeau, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, c'est souvent comme un des derniers cadeaux, c'est un des gros, mais vu qu'on ouvre des cadeaux à tellement de place à cause des parties chez la grand-mère, chez nous, chez l'autre belle-mère, puis... Ils ont des beaux cadeaux à tous les places. Fait que les enfants manquent pas de cadeaux. Non. Mais là, ça, c'est une autre affaire. Milter, toi, t'es le seul du trio ayant des enfants. Oui, les trois. Le fait d'acheter les cadeaux d'avance, les emballer, puis les mettre en dessous du sapin. Là, la question va s'adresser à Eric. OK. Parce que moi, je peux pas me répondre à moi-même. Le podcast serait plate en griffe. J'écoute. Tu penses-tu que cette magie de Noël-là, là, le fait là, un peu là, d'acheter des cadeaux, les emballer puis tu te le quittes, on fait ça plus pour les enfants ou à cette heure, on s'achète un cadeau, on se dit qu'est-ce qu'on s'achète, puis qu'on achète un petit quelque chose. Tu sais, comme, mettons, regarde, là, Milton, il parlait de sa console, mettons. Là. Ouais. Ben, je dis ça parce que c'est un gros achat. Ben, c'est ça, c'est un gros achat. Mais mettons, la famille s'est mise ensemble, t'achètes un Xbox, mais je t'achète une petite babiole emballée pour que t'aies de quoi déballer. Mais là, tu parles. C'est important d'avoir quelque chose à déballer. Ben, t'emballes la Xbox. Non, moi je pense que c'est important d'avoir de quoi déballer, puis tu fais ça pour toi, je pense que le but, oui, tu le fais pour c'est les enfants, fun. Tu le fais triper les enfants, mais tu fais ça à d'autres personnes et à des chéris et à de la famille proche et à ta femme, des choses comme ça. Parce que tu veux que ça arrive à toi aussi. Puis même faut là... Faut que tu continues le flambeau, là. Faut que tu... Le plaisir, il est là juste de déballer de quoi. Ben, exact, nous autres, quand on est en gang au party de Noël de bureau, là, on est toute la gang autour, on fait l'échange de cadeaux, tout le monde regarde c'est quoi qui va pogner, c'est quoi qui va pogner, puis on le sait pas, personne, puis on déballe, puis c'est le fun, c'est drôle, puis même quand il n'y a pas d'enfants, là, un petit party d'adultes qui déballent leur affaire, c'est drôle, en maudit. Là. Mais j'aime ça aussi, ouais. Là, ce qu'on va faire... On a des catégories devant nous qui ont été préétablies. Je veux qu'on décide de quelque chose ensemble. On va décider des barèmes pour les cadeaux. Un budget à peu près, mettons. Qu'est-ce qui est approprié par catégorie? On va donner des suggestions à faire, mais plus intéressant encore, des cadeaux à ne pas offrir à ces gens-là. Fait qu'autrement dit, dans nos catégories, là, qu'est-ce qui est approprié puis qu'est-ce qui n'est pas approprié? Qu'est-ce qu'on envoie? On ne donne pas, ouais. On va commencer par le plus évident. Conjoint-conjointe. En 2013, c'est quoi le budget qu'on accorde à notre conjoint-conjointe? Je sais jamais, moi. T'as-tu une réponse? Moi, je vais dire, tout dépend du budget que chaque personne peut accorder. Mais on essaye de se faire un budget entre couple, si on l'a toute vie, je suis sûr. Ouais. Mais, moi, mais tu finis par le dépasser. Il y a tout le temps quelqu'un qui bosse, puis l'autre, il sent mal. Ouais, il y a ça. C'est tout le temps le gars. Oh. T'as tout le temps quelqu'un qui bosse, puis là t'as fait un calinours, puis tu te fais revirer. Non, je déconne. Non, mais juste qu'il me le dise, Milter, je pense ouais, qu'il est Milter, y a du vécu, de famille. Oui. Peu importe, comme tu dis, comme très serré cette année comparé des fois à d'autres mm-hmm. années, là, puis ces affaires-là. Fait que ça dépend du budget que t'as à mettre. Pour toi, là, si t'es serré, t'en mets pas. Si tu veux acheter de quoi de cool à ta femme, puis encore, ça dépend. Moi, je mettrais jamais 200$, exemple, pour une bouteille de vin. Mais, fallait qu'il ait non, mais je vais le dire, parce que je trouve que ça vaut pas la peine. Mais si je veux y acheter un petit collier, puis il coûte 100$ ou quelque chose de même, là, je vais y acheter si je sais qu'elle est bien heureuse, puis c'est ça qu'elle veut, là, ça me dérange pas. Mais ça tout dépend aussi des goûts de la personne. Là, tu le sais jamais. Là, puis tu peux mettre 500 sur un cadeau, mais tu peux mettre 500 sur 20 cadeaux. Puis là, c'est quoi qui a de l'air plus? Le ouais. un cadeau ou le fait que le sapin déborde de plein de petites affaires à 20$? As-tu répondu à notre question encore? Ou? Il n'y en a pas de budget. Il n'a pas répondu okay. à notre question. Dire... Il est flou, il est vite. C'est comme un politicien. OK, 280$. OK, 280$. Donc, on vient de décider, dans un couple, on dépense pas plus que 280$. Non, mais je ne suis pas prêt à dire ça. J'aimerais ça que ma blonde m'ajoute une Xbox. Donc, je vais dire 600$. OK, excellent. Fait que pas plus que 600$. Moi, je voulais le mettre sur record que Milter, tu es sur record de dépenser 280$ sur ta femme à Noël? Non, pas du tout. Le pire, on ne s'ajoute rien cette année. On s'est dit, on dépense. On ajoute un cadeau à chaque enfant, puis le reste de la famille les garde tellement. Mais c'est de la bullshit tout le temps, ça. Non, parce qu'on n'a pas les moyens vraiment cette année du tout de le faire. OK, mais tu sais quoi? Mais j'avoue que si je suis capable de débloquer un petit 50$, je vais finir par y acheter quelque chose. Puis on en revient là-dessus au mois de janvier. Je te garantis que tu vas me dire que tu as reçu de quoi puis elle a reçu quoi. J'ai mis 1200 sur une bague. Puis... Non, c'est pas vrai. Je ferais jamais ça. Mais... OK, fait que là, mettons, 280$, c'est le budget. Non, même pas, je le sais même pas. Mais okay, on va mais dire, c'est un chiffre-là juste pour que le budget, c'est de nombre. Mettre qu'est-ce qu'on peut, ouais, autrement ben, dit. Moi, c'est de même que je vois ça, là. OK, parce que là, on a plusieurs catégories. Puis c'est la pensée conjointe. Tu sais, quand tu y penses, là, t'as beau dire, c'est Noël, là, mais t'as pas nécessairement plus d'argent. Tu travailles la même 40 heures à tous les semaines, puis ton budget est pas plus gros, là. Fait que si toute l'année, tu vis, puis t'as comme... 100$, 120$ qui te reste à toi et paye pour survivre, si on peut dire. Mais là, il faut que tu prennes cette même 120$-là pour acheter des cadeaux en plus à du monde. C'est pas comme si tu fais « Hey, c'est Noël, j'ai 1000$ de plus pour, ouais. pour mais là, dépenser. » On a couvert le financier, là, mais là, qu'est-ce qu'on achète à un conjoint de conjointe? Je sais jamais. C'est tough, hein? Ben... Mais toi, t'as l'air plein de sagesse dans ce domaine-là, toi. Je t'écoute. Ça dépend. T'es confiant. Tu... Mais moi, je pense à moi, dans un sens. Puis sérieusement... Ça non, start bien. Cadeau de conjoint, moi, je pense à moi. Non, non, mais c'est parce que pour une conjointe, je le sais pas. C'est ça qui est plate. Okay. Pour ici, là, autour de nous autres, là, comme Mel n'est pas là, pour qu'on y demande ou quoi. Mais moi, une fille, ma blonde, j'ai de la misère à lui demander, j'ai trouvé de quoi, j'ai acheté de quoi pour ses cheveux, elle aimait tout le temps. Fait que vous avez pas un Pinterest, vous autres? Non, là. On fait pas de Pinterest. Ah, je pense qu'on va le faire, ça. Faudrait peut-être que j'y en parle ou de quoi, là, mais elle, c'est, tu sais, j'y demande carrément ce que tu veux, elle me fait une liste, puis je finis par y acheter un genre de pipe, là, spécial USB quelque chose. En tout cas, un fire plat USB. Non, mais c'est quoi, ça prend 8 heures se défriser les cheveux c'est... à 12 volts? Justement, c'est comme la grosse coche là, des choses. Okay. Puis l'année d'avant, j'ai acheté son séchoir. Puis... Elle n'est même pas coiffeuse, là, mais j'y achète son gros kit. Puis des... Parce que tout le monde sait qu'un fire plat et un séchoir, il faut que tu sois coiffeuse pour mettre. C'est comme ses gadgets à elle. Là. Non, mais tu sais, je parle, c'est de la qualité. Là, c'est pas. Pas un petit séchoir du zèleur. Hey, moi, question c'est même. Bien, mais ça, il faut que je dise, c'est bien qu'est-ce qu'il fait, lui, là, ouais. D'acheter des outils utiles. Ben, c'est ses gadgets à elle, je trouve. Puis elle m'a toujours dit, achète-moi rien pour la cuisine. Là. Fait que, ok, j'y achète rien. Ben, tu sais, c'est comme. Ça. Même si elle adore la cuisine, puis tout en fait plein, elle comme, je pas ça. C'est un peu de même, puis c'est super égoïste ce que je vais dire, mais tu sais, regarde, dans ma vie, je trouve. Ça peut être cool d'avoir un cadeau utile. Mais tu sais, j'aime toujours mieux avoir une flagosse inutile à Noël ou à ma fête. Parce que tu sais, c'est quelque chose, comme j'ai dit tantôt, moi je me l'achèterais pas. Mettons, là, j'arriverais pis. Ah, une belle batterie de cuisine. La tienne était finie. C'est super pratique, mais. Ah, calvaire. Ben, je pense que ça se compare pas. Ben, c'est pas le fun, mais c'est pratique. Ben, c'est ça. Mais tu sais, des affaires pratiques qui vont te faire plaisir aussi. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, si ta blonde a la trip à se faire des cheveux, c'est cool avec le séchoir. Mais tu sais, je la comprends aussi de dire. J'aime ça faire de la cuisine, mais achète-moi pas un set de cuillères en bois ou une casserole, là, gars, tu vas me t'adresser. Elle n'en veut juste pas, puis c'est poche, là. Toi, Eric, selon toi, un bon cadeau? J'étais un petit peu sur ces lignées-là, là. Moi, j'étais un fan de bijoux, là, si on reste sur des affaires de conjoints. Mm-hmm. J'aime acheter un bijou, là, que ce soit des pendereilles, un collier, des petites affaires comme ça, pas compliqué. C'est bien content. Moi, c'est quoi dans Sephora, c'est ça? Ah, ça, hey, ça, je rentre là, puis les allergies, ils startent de même. Des diamants, là, comme là. Non, les, ça, c'est... pas des diamants. Sephora, c'est le maquillage, je pense. Non, c'est pas Sephora, toi, tu parles de... Hey, j'ai oublié. L'affaire tout le temps, de là, diamants. Je vais trouver le nom, en tout cas, aux galeries d'Anjou, Carrefour, là, partout. Ouais. Là. Mais des Swarovski. Ah, c'est pas si fuck that, là. Moi, je vais là, ma blonde, elle tripe ces affaires-là. C'est là que tu peux t'acheter, genre, un case de iPhone à 12 millions de dollars. Un petit brillant, ouais. Mais je pense à ça, c'est des bijoux, des choses comme ça. Pour ma femme en particulier, j'ai pas de kid, là, mais ça fait comme quasiment 10 ans qu'on est ensemble quand même. Puis c'était rendu un bout. J'étais créatif. Moi, j'achète au début, pas de bijoux à mes kids. Moi, au début, tu sais, t'achètes des beaux cadeaux, ou des bijoux, t'essaies d'acheter une bague, des choses comme ça. Mais là, après ça, moi, je devenais créatif. Là, j'allais. Le toaster. J'achetais un masseur à pied une fois à terre. Tu sais pas, t'as assez de figurer quelque chose. Ça marche pas tout le temps. C'est pas évident. Ça marche jamais. Hey, une fois, man, tu fais des histoires d'horreur. C'est moi, ça. Là, quand je tentais de magasiner pour un cadeau de Noël, là, des choses que je trouve cool, je suis toujours en train de faire ça comme 3 semaines en avance. On va parler de quand acheter tantôt. Hein. Ouais. Mais moi, c'est toujours dernière minute, 2-3 semaines en avance. Puis là, je me rappelle, j'étais en train de me promener dans un Canadian Tire. Attends, tu cherchais un cadeau pour ta blonde, puis t'étais chez Canadian Tire. J'étais rendu là. Ma blonde adore Canadian Tire. Fait que je suis revenu avec une timing belt, puis non, un 5 litres de Castrol GTX en spécial. Des pneus d'hiver, mais juste deux. Non, j'ai revenu avec une genre de machine lampe. Tu sais, les machines vraiment kitsch, que t'as de l'eau qui coule, puis de la boucane dedans avec des lumières. Puis j'ai donné fait ça. Tu as acheté un show de Pink Floyd. C'était une fois. J'ai acheté ça une fois. Mais il y avait d'autres cadeaux, c'était Noël-là. Mais je me rappelle, elle l'a gardé dans la chambre, poliment, là, pour genre comme 5 mois. avant qu'éventuellement elle craque, là, puis elle dit fuck this shit. On sort ça, ça m'énerve, je m'excuse. Fait que t'es en train de dire que la machine à boucan que t'avais acheté à ta blonde, c'est comme le George Foreman Grill que j'avais reçu il y a une couple d'années. Là. C'est vrai, t'as reçu un George Foreman Grill. Moi, je l'aurais voulu. J'aurais pris les deux, la machine à boucan puis le George Foreman. Mais ma femme, Grill. J'ai acheté plein de cadeaux. Hey, tu sais, c'était un des premiers cadeaux à ma femme. Là. C'était notre deuxième Noël ensemble. Puis on commençait vraiment à cliquer sur les affaires qu'on aime, tout ça. Puis World of Warcraft venait de sortir. Puis je reste à la thématique du début, mais son, un de son cadeau, un de ses cadeaux, ce Noël-là, c'était justement World of Warcraft, parce que ça faisait 2 mois depuis que c'était sorti, qu'elle jouait sur mon compte, puis on s'échangeait. Ça, c'est cool, ça. Puis là, elle adorait ce jeu-là, fait que, tu sais, un des cadeaux, ça, c'était pour ça, puis on a joué à WoW ensemble pour longtemps. Mais après, tu penses-tu que ce que ta femme va se rappeler le plus longtemps de ce cadeau-là de World of Warcraft, ouais, est-ce que c'est World of Warcraft ou c'est les moments que vous avez passé ensemble? Les deux, là, les deux, là, c'est sûr et certain. Warcraft, ben, en tout cas, nous, on a passé des bons... On s'est pas rencontrés dans le jeu, mais on a continué de jouer ensemble, là, puis des bons moments, des bonnes chicanes aussi, c'est des vraies chicanes. Ça. Parce que les moments sont importants, pareil. Ouais. Là, parce qu'on a souvent tendance à se dire... Vous êtes-tu déjà chicané parce qu'il y a quelqu'un qui avait trop d'aggro, genre? Man, si seulement. Non, c'est devenu plus compliqué que ça, là, parce que dans le temps... Puis tu si, heal pas assez vite. Si on... Une anecdote bien vite là-dessus, là... Si tu connais WoW un peu, tu vas comprendre mon langage facilement, mais on parle de l'expansion de Burning Crusade rendue, puis là on commençait à catcher à être dans les gros raids, là, des raids à 20-25 personnes dans des guildes sérieuses. Puis moi, j'étais comme le dude, puis elle m'avait complètement surpassé, là, elle était rendue la meilleure joueuse de WoW que je connaissais, puis elle était top DPS, des affaires comme ça. Puis moi je voulais juste aller avec mon paladin super poche dans des raids. Puis elle pouvait, tout le monde disait non, il est poche. Puis moi je voulais y aller, puis elle était dedans, puis là on se pognait dans la maison parce que j'étais comme fuck you, on est supposé jouer le jeu ensemble, puis tout joue avec 25 autres personnes, puis je peux pas être inclus, puis fait que bon. C'est toi le chialeux parce que tu voulais jouer avec ton paladin poche. Oui, mais c'est parce que les ret personne bitch finalement. Là. Hey man, moi j'ai poussé, mon ret est irrespecté maintenant, mais pendant 2 ans le monde essaie. Fait quoi, ouais, cadeau de Noël pour femme, qu'est-ce World qu'elle of Warcraft. Aussi? Fait que dans le fond 280$, on va pas chez Canadian Tire, Swarovski puis World of Warcraft. Swarovski, World of Warcraft. Moi, tu vois, gars... Pinterest m'aide beaucoup. Premièrement, je peux pas le recommander assez. Là. Moi, je suis un gars... Gars, je suis pourri pour une chose. J'ai une mémoire de poisson rouge. Merci, maman. J'ai une mémoire de poisson rouge. Tu vas me parler de quelque chose, puis 30 secondes après, je m'en rappelle plus. Mais je me prends des notes à cette heure. Aussi, je suis loin. J'essaie de me souvenir de des choses, puis... C'est con à dire, là, mais cadeau de conjointe, achète quelque chose. Écoute quand qu'elle parle. Premièrement, le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est écoute-la quand qu'elle parle. T'as une mémoire de poisson rouge, prends longue. Des notes, ouvre un Pinterest, faites quoi, mais je suis d'accord avec vous autres, faut acheter quelque chose que la conjointe ou le conjoint va triper. Puis c'est tellement vaste, puis cette catégorie-là, regarde, je sais, là, c'est moi qui les ai écrits, catégorie, puis je l'ai eu, cette catégorie-là, parce que c'est tellement différent d'un couple à l'autre, mais c'est justement ça que je veux en venir, moi, c'est que à chaque année, je suis en train de faire mon magasinage, puis un gars, il rentre dans le magasin, puis lui, il est persuadé, il dit « C'est la bonne affaire, ce magasin-là, il est à la mode cette année. Je veux un cadeau pour ma blonde. » Puis le vendeur, lui, il fait « Sucker », puis il sort, il dit « Son meilleur vendeur, puis quand il prend ça, va à la maison, arrive chez vous. » Puis écoutez, c'est tout. Prenez des notes, des affaires de même, puis c'est peut-être pas obligé d'être de quoi de super cher. Des fois, c'est une picadille, ça peut être n'importe quoi, mais... Tu sais, allez pas voir un vendeur en disant « Il me faut un cadeau pour ma blonde avec le look de désespoir le 22 décembre. » J'ai jamais fait ça de ma sainte vie. Mais, tu sais, prenez le temps, planifiez votre coup, puis soyez à l'écoute. C'est aussi simple que ça. Ça sonne super cheesy, que ça, je dis là, mais vous allez vous épargner beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Là. Ça peut être du vin, ça peut être une journée au spa, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un pas paquet de cossins. Pas du vin, selon Milter. Si c'est du vin à 280$, Milter, par exemple, on jase dessus. T'achètes du vin normal, mais t'achètes d'autres choses. Le vin, c'est juste pour la boire avec elle. Là. Il a raison un peu. Moi, j'entends bouteille de vin 280$, puis moi, je pense j'entends à 28 Sea Ridge. En tabarouette. 28 Sea Ridge, qui est excellent. Sont excellents. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense à incroyable gaspillage. Moi, je pense qu'il y a un cadeau qui est quand même cool cette année, qui commence à faire des comebacks. Puis tu sais, t'as bien du monde là, que ça parle de Kindle, puis des affaires de même. Des livres. Ah oui, hey, livres, ça c'est un cadeau. Bon, j'ai acheté un Kindle, moi, ma femme. Si elle a pas de... Hey, je reprends mon World of Warcraft, c'est mon histoire personnelle, là, mais... Un Kindle, là. C'est ouais, pas... ou des livres standards aussi. Faut se dire aussi de l'inverse. T'sais, moi, c'est ça que je voulais dire tantôt. J'ai de la misère de dire qu'est-ce que l'autre personne va vouloir, mais moi, qu'est-ce que je voudrais. Aha. Ce serait des affaires de, justement, tu sais, comme. Pas, c'est même pas qu'est-ce que je voudrais, parce que même ça, j'ai de la misère à le dire, mais qu'est-ce que j'ai qui est pratique pour le conjoint. Mais tu sais, un iPad, justement, que moi, je lis mes BD là-dessus, là. C'est un life changer, là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est 500 quelques piastres pareil. Ouais, mais des fois, le cadeau de conjoint, là, tu sais, quand je disais tantôt que quand t'as les moyens, des fois, le cadeau de conjoint, c'est la seule personne que t'as, si t'as pas d'enfant en plus. Tu sais, t'achètes un petit cadeau à ta mère, un petit cadeau, ben pas un petit cadeau, t'achètes quelque chose à ta mère, à ton père, tes frères et sœurs quand tu l'as, puis après t'as juste ta blonde, là. Ben souvent tu mets le paquet, puis... Ouais, c'est sûr. Mais je trouve, tu sais... Moi, je me souviens plus pourquoi, mais j'ai acheté un iPad à ma blonde, justement. Je me souviens même pas si c'est pour sa fête l'année passée ou si c'est pour un anniversaire de quelque chose. Mais je sais que j'ai acheté un iPad à ma blonde. Ah, mais c'est cool. Mais André, je pense que pour la sienne, ça va être des livres. Non, mais écoute, gars, moi, c'est simple. Ben, renard, livres, des lièvres, des cerfs, des... Non, mais gars, écoute, tout ce qui est... Tout ce qui est dangereux. À carreaux, tout ce qui est un renard, puis tout ce qui est de la littérature dedans, je pense que je gagne la loto avec ça. Non, mais je pense quand même, là, je la connais un peu. Je pense que tu as de la misère à choisir un bon livre pour elle. Là, comme... Hey, non, mais regarde, anecdote. Là, un livre, c'est renard. Non, mais hey, justement, beaucoup, j'avais trouvé un livre parfait pour ça, puis on rentre chez Archambault aujourd'hui, puis elle l'a acheté. Fait que tu sais, c'est comme... Ouais, quand elle aime de quoi, elle parle. Ah, elle est impulsive, puis j'ai de la misère avec ça. Là. D'où le moratoire que je suggère dans un couple. As-tu vu le clip What the Fuck, c'est? Ouais, hein, pas particulièrement. Non. En fait, non. Non, okay. C'est pas son j'avoue genre que ça pas ce genre de... ça. Conjoint, dans le fond, regarde, soyez à l'écoute, achetez quelque chose, on va pas chez Canadian Tire. Cadeau d'hôte. Je t'ai entendu parler tantôt, Minter, puis là, toi avec des enfants, puis les familles, puis c'est pis ça, là. On s'entend-tu qu'à Noël, là, on se fait inviter d'un bar puis de l'autre, puis moi, j'ai tout le temps été élevé de la façon où tu te fais inviter à quelque part, essaye de pas arriver les mains vides. Fait que ce soir, je suis arrivé avec ma bière puis mon kit d'enregistrement. Cadeau d'hôte, qu'est-ce qu'on offre à des autres? Justement, toi, tu dis bouteille de vin. Ben, non, mais les cadeaux d'hôte, souvent, c'est plus facile avec des bouteilles de vin. C'est le classique, là, c'est le cliché. Ouais. C'est pas nécessairement qu'est-ce que le monde veut recevoir, je me dis. Si des fois, le monde y a ça, pis c'est comme, je bois pas vraiment de vin, mais cool, tu sais. Mais, je sais pas, là. C'est weird d'arriver pis de dire, hey, tiens, voilà une boîte, je t'ai acheté un t-shirt juste parce que tu m'as invité chez vous, tu sais. C'est un fait. Rick, qu'est-ce que t'en penses? Moi, vous allez peut-être pas aimer ma suggestion, mais on a un tag explicite, pis aucunement ce que j'approuve mes mots que je vais dire d'un sens, mais c'est moi qui ai dit. Mais en tout cas, le geek collectif se dissocie de ça. Mais de la drogue. Moi, je m'associe à ça. Attends, ton cadeau d'hôte, c'est t'amènes de la drogue. Tant qu'elle donne une bouteille de vin, c'est ça. Tu donnes un 3,5. C'est... de peu importe ce que tu veux. Qu'est-ce que t'as dit de partir, vous faites, vous autres? Ben regarde, ben... il y a des parties où que tu mets des clés de char dans un bol, puis après ça, les femmes, ils choisissent les clés de char qui s'en va. Des parties en Ontario, là. Ça brasse dans ben dans ton bout. T'as des parties, je sais pas, moi, c'est un beau cadeau, mais tu le donnes, regarde, tu le donnes, ça dépend là. Tu le donnes-tu devant tout le monde? Non, tu le donnes discrètement, j'ai envie de dire. Ben, faut que tu connaisses bien l'autre. En fait, tu pognes une bouteille de vin dans un genre de cooler de vin, puis tu le mets là-dedans, puis tu dis, en passant, il y a un petit cadeau pour toi et la femme. Un autre samedi soir quand vous avez rien à faire. Dans la belle famille, quand c'est la première fois. Ben oui, au beau-père, en passant. Garde-toi avec la bonne femme tout à l'heure, là. Je vous ai laissé du GH dans le fond, tu sais. Fait que la drogue. OK? Ben, regarde, ça, c'est pas non, mais regarde, la drogue, là. Tu sais, je suis pas en train de dire d'arriver là avec un, je sais pas, moi, un 8 ball de coke non plus, là. C'est pas fou, là. Fait que toi, tu fais le party avec Mr. Ford, là. Mais qu'est-ce que je suis plus t'sais, en train de dire. C'est la valise dans Robocop 2. C'est stock léger, là. T'sais, avec le nuke, là, dans Robocop 2, ça va tu donnes le vin, puis là, après ça, quand le monde s'amuse en fin de soirée, puis il y a 1h du matin, puis tout le monde, tu sais, ça wind down. C'est là que tu sors l'extase, puis tu pars le soundtrack de Ben. Non, qu'est-ce qu'Eric veut dire? C'est quand on est en 2013, bientôt 2014, les temps ont changé, le monde est plus ouvert. C'est Noël. OK. Puis du vin, ça fait la même astuce d'affaires. Quelque part, tu donnes une bouteille de vin, tu t'entends de dire, saute une brosse avec ta femme un soir, peut-être tu as une meilleure chance d'avoir du coup. En gros, c'est juste de pas, vu que c'est un hôte seulement, puis que c'est justement souvent invitation à un party, t'amènes de quoi qui fait référence, et non, voici un chandail de laine cheap de Noël, genre. Moi, je m'avais fait un setup, j'étais comme, j'étais original avec mes... Moi, c'était un jeu de société, mais Eric, tu viens de me sortir de la ballgame avec ta drogue, toi. Mais moi, j'aime ça. Ah, alors c'est un nouveau jeu de société. Ouais, ouais. Non, mais t'arrives, mettons, tu sais, pas un jeu de société comme « Salut, j'arrive avec Risk, puis là, je vais vous expliquer les règlements. » Là. Mais toi, c'est plus un cadeau. Ah oui, c'est un cadeau d'autre. Tu y donnes. T'arrives avec un... Regarde, mettons, là, une bouteille de vin à 15$. ben t'as plein de jeux de société super cool à 10-15$ que t'arrives et tu drops. Je suis d'accord avec toi, mais ça va dépendre à qui, encore une fois. Mais aussi, moi, je pense que la drogue aussi va dépendre non, avec qui, ça, encore une fois. Je pense qu'il y a un contexte ici, à quelque part. Toi, tu parles de jeux, de société. Moi, je parle de drogue un peu. Mais t'es en train de dire qu'on devrait faire un party dans pas long? Mais écoute. Oui, c'est pas dans un le fond, peu, là, parce que c'est un cadeau de haute pour un party. Que ce soit tu sais, on s'entend, là, si on parle de party de Noël. Souper. Mais de party, on va dire un party, un samedi soir chez des amis de job avec des, c'est un party de couple. Mais tu achètes un remontant pour le party, là. Tu rajoutes de quoi? Si c'est un jeu de société, comme l'autre fois, là, pour, là, pas longtemps chez nous, on a pogné les Zombie Dice dernière minute. Puis tu lances ça, puis le party lève. T'amènes mais, loup-garou, quelque chose dans la main. Mais c'est ça, puis je pense comme j'ai mon beau-frère, que à chaque party, que ce soit un party de Noël, que ce soit un party d'échange de cadeaux, lui, c'est toujours du fort. Puis le fort, quand t'es dans un environnement... Ou du cognac, hein, Du cognac. Mais ça revient un peu à bouteille de vin, chaud, mais, ça. Mais tu le fais être bu ce soir-là. Tu donnes pas un gros 40 onces là, de 20-year-old whisky ou rien de même, mais tu donnes un Mickey de rye dans un échange de cadeaux à 10$, où il y a 15 personnes qui s'aiment, puis ça fait ça une party. Tu t'arranges que ça se boit dans la soirée. Cette bouteille-là, elle se promène. Là. Fait que toi, le temps des fêtes chez vous, il est funny. Là. Oui, tout le temps. Ben, mon beau-frère, lui, m'inspire, parce qu'il arrive tout le temps avec des bouteilles comme ça. Fait que, puis là, tu le vois, là, puis là, la bouteille tombe toujours sur la bonne personne dans l'échange de cadeaux de mystérieuse. Là, que ben, tout le monde se passe. C'est rare que l'enveloppe de la bouteille cash que c'est une bouteille. Non, mais l'année la passée, c'était bien caché quand même. OK, parce que souvent, c'est le monde qui font « Oh, une bouteille! » Fait que lui, il dit « Je vais l'acheter. » Mais ça remonte le party. C'est comme le cadeau à la haute, c'est que ton party va déclencher à 4h. Non, mais les parties de job, moi, c'est ça que je vois. Tu vois tout le temps celle qui enligne la bouteille, puis « Oh! » Party de job. Est-ce qu'on donne des cadeaux à son boss, à des partners, ben, à la personne qui s'occupe des comptes de dépenses à la job? C'est un échange. Je vais pas donner un cadeau à quelqu'un en particulier sans en donner aux autres. OK. Mais on donne des on fait un échange nous autres. Puis souvent, c'est plus funny. Il y en a tout le temps qui essayent de je vais donner de quoi de pratique. C'est comme moi, fait que là, l'année passée, j'ai pogné de quoi de super poche. J'ai pogné un kit genre de 12 verres en vitre. D'une boîte là, pour je m'en vais en appartement, mais je suis comme j'ai déjà mes verres à moi. Fait que toi, t'as fourbé ton trousseau à quelqu'un. Là. Même pas, ça c'est que j'ai été pogné avec jusqu'à la fin, genre. Parce que personne me le volait. Puis là, pendant ce temps-là, t'as un gars à côté avec un gun nerf qui a du fun. Il y a un gars fun, à côté qui a eu une auto téléguidée, puis l'autre gars à côté, il y a eu un moule à glace là, de Han Solo dans un bloc de carbonite. Puis toi, t'avais des verres en vitre. Moi, j'avais des verres en vitre. J'étais arrivé à la maison, ma blonde me regardait, elle fait « Ah, je sais. » T'as mal joué le jeu, Melter, reste dehors. J'ai vu la grosse boîte, j'ai pris la grosse boîte. Fait que dans le fond, finalement, des échanges de cadeaux à la job. Moi, faire moi, quoi je de dis, funny, acheter là, l'affaire puis... funny, dépendant c'est quel genre de monde que t'as. Là. Si c'est du monde, si ton échange elle, se fait sur l'heure du midi, puis vous êtes comme 45, puis c'est tout du monde qui saillisse, puis qui se parle pas, puis c'est comme, tiens, achète ta petite affaire, là, donne une carte cadeau, là, puis ça va finir là, dans une petite enveloppe. Là. Le monde va le savoir que c'est une carte cadeau, hein, quelque part, ils les vont passer l'enveloppe. Cadeau, là. Moi, je trouve que c'est mieux quand tu haïs le monde, puis tout, mais quand tu vois que c'est du monde, moi, personnellement, mon monde, il y a le fun à la job, puis notre petit bureau, quand on fait le party, tout le monde, on s'achète une connerie ou de quoi, puis ça finit que t'as des moules d'Han Solo qui se promènent avec ça, des autos cool. téléguidées, puis des... C'est parce que la carte cadeau, je trouve que ça vient scraper l'écosystème d'un échange de cadeaux. Il y a une valeur établie dans la chose. Tu sais, c'est comme, mettons, t'arrives, là, puis là, t'as des moules de glace. Mais nous autres, c'est du vol de cadeaux affaire. Plus qu'un échange, ouais, tu sais. Où je veux en venir, c'est que, tu sais, mettons, on fait un échange de même toute la gang, là. Puis là, on est 10. Puis là, tout le monde achète des affaires funnées. Puis là, un moment donné, tu sais, tout le monde a le droit de voler le cadeau de quelqu'un d'autre. Mais là, un moment donné, t'en as un, il déballe une carte cadeau SAQ. Puis là, tout le monde veut voler la crustue de carte cadeau de la SAQ. Puis tous les autres cadeaux viennent de prendre de bord. Je trouve ça plate. Mais forcez-vous. Hey, gars, nous autres, c'était les cubes Han Solo, là. C'était, ça se faisait voler, clac, clac, clac. Pendant 3-4 tours, puis là, jusqu'à un moment donné, il y a comme la madame comptable qui fait comme « Fuck off vos cubes, m'en va piger », tu sais. Fait que là, ça repartait le rond un peu. Mais c'est ça, mais forcez-vous dans les échanges de cadeaux d'un bureau, là. Ouais, de quoi de drôle, là. C'est là que t'en profites pour acheter la niaiserie, là, pas... Exactement. Pas la bouteille de vin. Parents. T'aimes pas le vin, toi, c'est Victor, jamais bon. Hein. Je suis pas un buveur de vin. C'est ça. Les parents, on achète quoi à nos parents? Encore comme la blonde, t'écoutes que c'est qu'ils disent, puis à un moment donné, tu t'entends ton père chialer après quelque chose tout le temps, tu y achètes l'affaire, puis tu sais, c'est con, mais c'est le même. C'est ça qu'on fait, nous autres. Là. On écoute le beau-père, il chiale qu'il ferait tout même. On y ajoute des mitaines. On chiale après sa pelle. On y ajoute moi, une nouvelle belle pelle. Moi, j'ai force à sortir de la maison. C'est con à dire. Tu t'ajoutes mais... des billets, genre, de quelque chose. Ah, aller voir un show, ben je vous paye une soirée au resto, ça, ben je vous envoie dans une auberge à quelque part. Ça, j'avoue que c'est une bonne idée. Par exemple, il aime bien ça, t'es les force parents, à sortir, là. Les parents. Tu sais, c'est comme, gars... Vous prenez jamais du temps pour vous autres, vous êtes tout le temps à la maison, ouais. Il y en a un qui s'endort sur le sofa pendant que l'autre écoute Occupation Double. Non, fuck off, là. Il aime vous allez bien manger ça, au keg, puis après ça, vous allez voir un show d'humour ou quelque chose de même. Là. Moi, ça, c'est une combinaison que je trouve winner. Show d'humour, c'est tout le temps bon, mais faut que tu t'assures que. Qu'ils rient d'avance. Que, non, mais que. Ouais, mais dans un sens que. Faut que tes parents te les entendent souvent dire hey, es-tu drôle, hein, Rachid Badouri, puis. La Cathy Gauthier à me faire rire en maudit. Ça non, plus. Je le sais que t'entends pas. C'est des hypothèses de phrases qui pourraient peut-être se dire. Okay. Ben, mettons qu'ils disent de quoi du genre. Ben là, tu sais que tu vas acheter des Cathy de Gauthier, des billets de Cathy Gauthier ou de quoi. Il doit en rester plein, fait que c'est facile. Mais tu caches ce que je veux dire. Là, tes écoutes dire, dans ses attaques tes comme toujours. Dire que c'est qui aime, bang, t'ajoutes de quoi, puis c'est tout le temps le fun. Là. Toi, sinon, Eric, tes parents, qu'est-ce que tu suggères pour des parents? C'est dans les mêmes lignées, puis c'est toujours le même qu'on a fonctionné, nous autres. Tu t'achètes des choses qu'ils n'ont pas. Ou puis nous autres, souvent, en famille, c'est... Les choses qu'ils ont, c'est plate. C'est peu. Ça. Mais en famille, on achète, c'est toujours en groupe, là. Chez moi, j'ai trois sœurs, j'ai deux sœurs puis un frère. Ça, c'est cool, ça. Fait qu'en gang, on achète des gros cadeaux. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, enfant unique, là, m'a dit de quoi. Dire, là, ouais, j'étais là, en disant ça, je commanderais où t'es. Moi, je me mets à gang, là, puis je leur rachète de quoi, là. Puis, mais on fait j'ai un. J'ai hâte que mes kids travaillent, ici. On fait un brainstorm en gang. Des fois, dernièrement, tu sais, tu fais un brainstorm en gang sur Facebook en parlant. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui a entendu quoi, puis tout ça, puis on chip-in sur un gros cadeau. Ça, c'est tu sais, cool. On a acheté un Dyson à ma mère dernièrement, des GPS à demi-père, des choses comme ça. Ah, ça a bien l'allure, ça. Là, on a couvert les parents, le conjoint, tout le kit. Nous autres, à cette heure, qu'est-ce qu'on veut pour Noël? Ben, c'était Noël? Là. C'était Noël-ci, là. Tu sais, là, le monde qui écoute l'épisode, puis là, ils se disent, Criff, ça fait une heure et quelques qu'ils parlent, ils ont pas parlé de jeux vidéo, ils ont pas parlé de ces musiques de films. C'est là. C'est vraiment un podcast de geek collectif. Mon cul, gang de maudits poseurs, vous êtes même pas des vrais geeks, puis qu'est-ce qu'on veut à Noël? Moi, je commence. Tu veux quoi à Noël, Eric? C'était Noël ici. Man, qu'est-ce que je voudrais... Ok, t'as deux catégories. Ok, on va faire ça basic. Ok, catégorie, t'as des chances de l'avoir, puis catégorie, t'auras jamais ça. Je te donne un exemple concret, un jeu d'ordinateur, puis ton île privée d'un caïman. Ben regarde, voyage, c'est toujours ça que j'aime comme cadeau. Ok. Ouais, non, c'est j'aime, j'adore des surprises comme. Tu es un homme de besoins modestes. On parle de rêve, là. Mais okay. À part de ça, moi, c'est simple. Moi, j'aime en cadeau, là, j'aime juste des jeux. J'aime des t-shirts, des gogos, des c'est des choses que moi j'aime, des films, des DVD, n'importe quoi de techno, ça c'est moi, tu vas je disais ça toujours à me gagner à ma comme femme ça, la là, semaine passée, je dis ben la seule affaire que j'aime c'est les jeux, je savais pas quoi dire d'autre que mais j'ai expliqué ça, moi ma femme a fait bien avec ça maintenant, là. Moi elle me pogne toujours à check là, pour les nouveaux jeux qui sont sortis à l'entour de ma fête puis Noël, puis elle me pogne ça, tu sais, puis ça c'est, elle sait que j'aime ça. Elle me pogne des, tu sais, c'est ça que j'aime recevoir. Mais le swag de référence jeu, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Comme tu fais des fois, là, t'as, là, ou tout ça, moi, c'est le genre d'affaire qui est le fun. Quand t'aimes un jeu, un petit chandail cool, surtout quand il est humoristique, puis que c'est une inside du jeu qui est encore plus hot. Puis, ben, moi, j'aime ça, là. Fait que tu fais comme Yann, tu t'en vas sur Jack of All Trades, puis tu vas t'acheter du genre, top, là. J'aime bien juste les t-shirts de comics, puis ces affaires-là. Fait que toi, dans le fond, Eric, n'importe quoi, video game related. Ben, ça, non, mais n'importe quoi que, comme, tu sais, puis des surprises aussi, mais j'aime des surprises, des jeux de société, j'aime recevoir. Tu sais, j'suis un gros kid, là, c'est pas compliqué, là, j'ai pas besoin d'un 401k, là, j'ai pas besoin de je sais pas, moi, un polo shirt ou d'une montre extravagante. Ben moi, c'est un peu comme toi quand tu parles de ça, tu sais, dans le fond, le jeu vidéo, comic book related, c'est pas mal mes deux grosses affaires que ça me dérange pas d'avoir de quoi. Puis, il y a les surprises, un peu comme tu dis, comme j'ai vu exemple, puis j'ai pas demandé ça, je l'ai pas écrit nulle part encore, j'ai pas fait vraiment de Pinterest ou de liste ou de quoi. Shame mais genre des verres, mettons, quand je vais chez HMV, il y a des verres Marvel ou des kits de 4 verres Walking Dead. Ou... Ça, c'est le genre d'affaire que je trouve ça juste le fun à avoir, qui peut être une belle petite surprise, pas trop chère. Ouais, ouais. Mais tu sais aussi comme le linge là, comme des affaires comic book ou de quoi, c'est tout le temps cool là, un beau t-shirt là, mettons ma blonde ou ma famille sait un peu comment je m'habille là. Mm-hmm. Fait que il me pogne un t-shirt noir puis ouais, des G-strings. Oui, à Léopard de préférence. Des G-strings Léopard avec des logos Marvel. Merci pour le show là, tantôt là. En passant là, c'est le fun d'être chez vous. Je suis chaleureux. Mais c'était très chaleureux. Avoir la condensation qui se passait, c'était très chaleureux. Mais c'est le genre d'affaires que j'aime, en tout cas. Là. Sinon, dans les affaires moins accessibles, hein? Je pense que j'étais un peu tout comme vous autres, là, dans un sens que je sais que je ne l'aurais pas, mais quelque chose que j'aimerais avoir cette année, c'est une des deux nouvelles consoles. Là. Ouais. Ah, mais oui, c'est parce que je sais que je vais en avoir une. Moi, toi, tu vas l'avoir par toi-même, mais moi, je sais que j'aurai pas ça en cadeau, je parle. Fait que, tu sais, je sais que ça va être de quoi que moi, il va falloir acheter. Puis c'est là un peu que, personnellement, l'effet cadeau, pour moi, j'aime plus donner parce que je le sais, je suis jamais satisfait. C'est con à dire, là. T'es jamais satisfait de donner ou de recevoir? De recevoir. Ah ouais? J'aime donner, mais quand je reçois, je suis comme... OK, tu sais, genre, ben, merci, j'ai des verres, exemple. C'est comme, oui, ils sont cool, mais je suis pas en train de sauter de joie puis de faire comme, waouh! Ouais, mais il y a 30 secondes, tu disais que tu voulais des verres. Non, non, je dis que c'est cool. Je pense que je viens de le trouver, ton problème avec Noël. Tu demandes les mauvaises affaires en cadeau. Non, mais, tu sais, je dis, c'est le genre d'affaires que je trouve cool, mais genre, je vais pas mourir si j'ai pas 4 verres Marvel chez nous. C'est ça, je veux dire. C'est le fun, c'est beau, sont cool, mais je vais pas mourir si je les ai pas, puis ça me dérange pas tant que ça, je les ai, puis c'est comme, ah, cool, 4 nouveaux verres, tu sais. Mais les affaires, les autres affaires, je finis tout le temps par me les acheter moi-même. Quand c'est quelque chose que je veux vraiment, je finis par dépenser pour. Fait que tant et aussi longtemps qu'on dirait que quelqu'un me surprend pas, puis me coupe avant que moi j'aille le temps de le vouloir vraiment... ou idéalement me surprendre en disant « t'étais même pas au courant qu'il y avait cette nouvelle machine-là, puis je t'ai acheté ça, genre, là, ça serait, ok, je pousse ma luck dans un sens, là, mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là, oh, quelqu'un ouais. m'arrive avec la nouvelle affaire, là, bang, je savais même pas si c'était sorti, puis, ou je m'attendais vraiment pas à l'avoir, pantoute, puis, what? Je sais pas comment dire ça, là, mais je suis plus surpris, parce que je m'achète trop moi-même mes affaires. Ouais. C'est juste ça. Mais tu vois, j'étais un peu comme toi. Je le sais que ça va être un George Foreman grill à tous les fois. C'est cool, mais tu fais comment? Écoute, je souhaite que... Je te souhaite pas un... Ben, malgré que toi, t'aimerais ça, je vais te donner mon George Foreman grill. Je pense que je l'ai encore maison. Ça va me faire plaisir. Mais encore, je vais être comme... C'est cool, mais je serais pas mort si je l'aurais pas. Je t'ai pas réagi de même à le garder, non, mon tu... George Foreman grill. Okay, je le veux. Bon. Puis là, à quelque part, on a tous les cadeaux qu'on voulait quand on était kids. Ben, tu sais, être rendu dans trentaine avec une carte de crédit, une job stable puis un income, là, t'es rendu qu'à un moment donné aussi, quand tu veux de quoi, tu ramasses, tu vas te l'acheter. Pis... Ouais. Ben, c'est ça aussi. Moi, c'est là que, tu sais, des idées cadeaux pour moi-même, ben, tu sais, que j'imagine qu'il y a d'autres mondes qui en voudraient, mais tu sais, des affaires, moi, c'est des flagos, justement. Comme j'ai dit tantôt, c'est de quoi que je m'achèterais pas n'importe quand. Fait que j'ai fait comme deux catégories. Tu sais, genre, l'hiver, tu vas triper. Ben, ça dépend, parce qu'il y a deux catégories, parce que j'aime les surprises, mais il y a la catégorie que moi j'appelle toujours bas de Noël, qui est des cadeaux à, mettons, on va mettre 25$ et moins. Fait que tu sais, des cadeaux à 25$ et moins, mais faut que ça rentre dans la catégorie bas de Noël. Fait que tu sais, dans la catégorie bas de Noël, moi qu'est-ce que j'aime bien? Cette année, les figurines pop de Funko. C'est des petites figurines un peu difformes, cool. Il y a des Ninja Turtles, il y a Walking Dead, Robocop. Ça, j'ai je trouve le Joker, ça cool. Là-même, oui, il est cool. J'en ai une coupe, j'ai Master Chief et tout ça, je trouve ça cool. Des pierres à whisky. Ah, c'est cool, des pierres ça, à whisky. Ça, c'est cool à avoir. Ça, c'est des genres de pierres que tu mets dans le congélateur, puis tu mets dans ton whisky quand tu le bois, pour au lieu de mettre de la glace. Fait que ça altère pas le goût de ton alcool. Okay, ouais. C'est froid. C'est cool. Puis c'est quelque chose que je m'achèterais pas, moi. Je n'irais pas mettre 35$ ou 20$ sur des pierres à whisky. Mais si j'y reçois en cadeau de type bas de Noël, c'est le fun. Mais faut que tu saches que la personne aime un peu le whisky. T'sais. Ouais, mais d'un autre côté, ça peut être du rhum, ça peut être n'importe quoi. C'est des pierres n'importe qui n'altèrent pas le goût de ton alcool. Fond, fait que tu sais, quelqu'un qui boit de l'alcool, regarde, des pierres à whisky, un kit de shaker. Ça a l'air niaiseux, mais ça, c'est cool. Puis t'as un paquet de monde qui ont pas ça. Gars, j'ai mis dans mes suggestions, là, vous allez me dire, il est alcoolo, ce gars-là, un mortier puis un pilon. Tu sais, une affaire pour faire des mojitos. Wow. Je pensais que quand j'ai vu ça, moi, je pensais que c'était pour... La drogue. Non, mais pour des épices. Ben, tu peux avoir pour des épices. Ça sert à plein d'affaires. Mais tu sais, à la limite, c'est juste cool. Tu sais, ça peut... Puis ça, c'est des petits cadeaux pas trop chers. Des affaires que j'aimerais recevoir, des trade paperbacks. Mm. Peu importe, regarde, une BD, ça, un trade paperback. J'ai parti ma collection de livres à café, là, puis des livres de tab à café, en fait. Tu sais, j'ai comme, mettons, des livres de Walking Dead, des Star Wars Compendium, Kick-Ass, des affaires de même. Le trade paperback, je pense, la bande dessinée, c'est cool, c'est happening. Fait que cette année, de donner un trade paperback en cadeau, je pense que c'est quelque chose qui va être le fun, puis que ça va être bien reçu, puis c'est pas super dispendieux non plus. Ça se donne bien, c'est cool. Ça se donne super bien, effectivement. Des cadeaux un peu plus haut de gamme. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette année? Des lentilles pour mon appareil photo. Ça a l'air con, mais tu sais, on peut s'en procurer en usagé, on peut s'en procurer en neuf. Il y a toujours des deals, des choses comme ça. Ça, c'est un beau cadeau, je trouve. Tu sais, c'est un peu plus dispendieux. Ça peut partir à 100$, comme ça peut se rendre jusqu'à 1000, 1500, caisse de limite. C'est ça, c'est variable mais jusqu'à un certain point. Une lentille d'appareil photo, je trouve que, puis on peut mettre ça plus vague, mais entretenir la passion de quelqu'un. Quelqu'un qui fait du podcasting, achetez-y des micros, des trépieds, des choses comme ça. Quelqu'un qui va peindre un chevalet, des pinceaux, de la peinture. Tu sais, entretenez la passion de quelqu'un, puis son hobby. Moi, je trouve ça génial. Fait que tu sais, des lentilles d'appareil photo, une carte SD. Additionnel pour mettre dans mon appareil, des batteries, peu importe, mais tu sais de quoi qui va entretenir ma photographie dans le fond, ça serait cool. Des jeux vidéo, c'est tout le temps winner, c'est sûr et certain, mais même là je trouve ça touché. Je me suis déjà fait donner des jeux vidéo que tu le déballes puis tu fais merci pour Pimp My Ride au Xbox. Mais j'ai fait ça pour Kid Icarus. Moi, je l'ai donné à ma blonde Pimp My Ride à Noël il y a 3 ans. Mais tu sais, ça c'est plus touché. Des affaires que je trouve difficiles à 30 ans. Je connais mon corps, je connais mon style vestimentaire, je connais mes choses. Du linge. J'ai de la misère un peu avec le linge à Noël. J'ai bien de la misère quand le monde me donne du linge, autre que des t-shirts. Un t-shirt, ça passe bien. Comics, là, ou de mais, quoi, là. Mais du linge, une paire de jeans surtout. Achetez pas des jeans à quelqu'un. Les jeans, on est tous capricieux. Ah ouais, on va te faire une coupe qu'on aime, des affaires de même, tu t'inquiètes. Faut tes essais. Faut tes essais. Fait que le linge, là, tu sais, c'est comme. Moi, je veux pas de linge. Puis, trop. Donnez trop, jamais t'sais. Un cadeau en disant tu peux le retourner, là, s'il y a de quoi, là. Parce qu'on le fera pas. Surtout un gars, une fille va peut-être aller y retourner. Là, surtout là que. Pas moi. Ma vie en dépendrait, je veux pas être dans un magasin au Boxing Day. Ouais, ben tu peux pas le 26. Anyways, à Star, tu peux plus rien retourner le 26. Fait que tu sais, en gros, alimenter les passions des gens. Oubliez pas les deux catégories. Tu sais, les petits cadeaux bonne Noël, les gros cadeaux, les affaires de même. Allez-y avec votre budget, peu importe. Mais tu sais, soyez à l'écoute, soyez attentionnés. Les simple petites cartes, quand c'est un gamer, là, les petites cartes de points, je trouve ça le fun. Moi, des beaux cadeaux Bonne Noël, un 3 mois d'Xbox Live ou de PSN. Ben, plus, moi, je pensais plus à des points. PSN de, mettons, ben là, c'est plus des points, c'est de l'argent, là, mais PSN ouais. Plus. Mais j'avoue qu'un Xbox, petit 20$ d'Xbox en cash ou même de Wii U. Là, en fait, il y a plein d'options, mais. League of Legends, Steam. Ouais, ben tout peu importe le jeu. Si tu joues un jeu en particulier, tu peux y pogner sa carte League of Legends, exemple. Mais si s'il joue sur c'est un gars de Sony là, puis qui joue tout le temps sa PlayStation, s'il achète une carte de PlayStation Plus, puis il peut s'acheter 2-3 petits jeux arcade là. Toujours le fun. Là c'est bien beau, on a couvert un paquet d'affaires. Acheter Knack. Mais... Knack. C'est quand le meilleur temps pour acheter des cadeaux? Si c'est du monde qui achètera rien, c'est au Black Friday puis au Cyber Monday, qui est le vendredi puis le lundi suivant. Dans le fond, c'est la fin de semaine de 4 jours, là. Sauf que l'affaire, c'est que, personnellement, j'ai jamais de maudite scène quand j'arrive à cette fin de semaine-là, puis je vois tous les deals, puis je suis comme, non, pourquoi j'ai pas d'argent, puis qu'aujourd'hui, la 3DS est à moitié prix, genre, dans tel magasin, puis tu fais jamais ce prix-là nulle part, même quand elle est usagée, il y a jamais ce prix-là. Puis c'est une journée, puis c'est une promo, puis ou bien ils te liquident un jeu qui est 60$, d'habitude, ils te le vendent 20$ pour la journée, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est là, tu sais, si tu veux gâter ta famille, c'est le Black Friday, si tu veux gâter ta famille, des gros cadeaux, mais sauver. Hey, c'est des 3DS l'année passée à moitié prix, là. Des 3DS Excel, là, à 50. Mais ton temps là-dedans, il n'y a pas de valeur. Y a pas... Hey, t'achètes en ligne? Même pas. Je travaillais ce jour-là, puis je faisais le tour de mes magasins pour prendre des photos, puis je voyais dans les vitrines les 3DS à moitié prix, puis il y avait zéro fucking line-up. Là. Oui, ils partaient très vite, mais il n'y avait pas de line-up. Il y avait du monde qui arrivait, puis il y en avait comme 10-15 par magasin, puis c'était un après l'autre. Mais le monde, il avait catché le deal, là. Puis je me promenais de magasin en magasin, puis je voyais le stock baisser dans la journée, mais il n'y avait pas un line-up, là. Ah ouais, non, je comprends. Mais, tu sais, pareil, si tu le sais, tu vas au Future Shop, au Best Buy, au Walmart, à ces places-là, là, puis tu pognes le deal, là, des fois, là. Tu peux avoir des méchants beaux cadeaux, mais encore, faut pas que la personne, vu que c'est en novembre, le Black Friday, faut pas qu'elle achète sa 3DS ou sa peu importe l'affaire, là. Je dis 3DS parce que c'est ça que j'ai vu. Mais faut pas qu'elle achète l'affaire ou ait l'intention c'est de l'acheter ça. Parce que tu peux te faire fourrer dans le mois de décembre si elle décide, bon, je l'achète pareil, puis tu l'as acheté, tu sais. Mais c'est le moment idéal, là. Si t'as l'argent, c'est là. Tous tes cadeaux vont être faits, t'auras pas le stress d'aller dans un magasin écouter la musique de Noël dans le mois de décembre, puis d'être dans le rush de monde qui pousse. Puis toutes ces affaires-là de dernière minute, de stress, de plus avoir de stock. Tout va être acheté, les économies vont être faites. En ligne, comme André a dit, c'est encore 100 fois mieux. Mais même en ligne, moi, il y a une affaire par contre, puis c'est une affaire qu'il y a bien du monde qui ne tiennent pas compte de ça, puis travailler dans le retail, c'est sûr c'est le fun en ligne, ok, c'est attrayant, on commande, on a la paix d'esprit, tout le kit. Mais par contre, là, on n'est jamais aussi sûr d'avoir l'item que quand on l'a acheté physiquement en magasin puis on l'a dans nos mains. Le nombre d'histoires d'horreur que totalement j'ai entendues... D'accord. Ah, mais je l'ai commandé en ligne, mais là, whoop, il est tombé BO entre-temps, puis là, ben, ils me l'ont shippé pour le 2 janvier, puis là, tu donnes un slip d'Amazon à ton père pour Noël. Yeah, je te le prouve, je te l'ai commandé, ton item, là. Mais tu sais... Ça, c'est de la merde. Faut faire attention, là, puis, tu sais, faites attention à tout le monde, là. Regarde, c'est bien beau acheter en ligne, vous allez avoir des deals. Oubliez pas, il va y avoir des frais de port, frais de transport, les taxes, le dédouanement, les choses comme ça. Il y a bien des places qui vont essayer de vous attirer, puis ça va être super attrayant. Dans le temps des fêtes, souvent, on va avoir l'impression de tomber sur un deal qui est trop beau pour être vrai. Puis on s'emballe dans l'engouement parce que, hey, je suis capable de donner, mettons, une machine à café à quelqu'un qui valait 200$, puis elle est à 59$ sur Internet. Méchant deal, je suis fier de moi, je peux maximiser mes cadeaux. Faites attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de monde, puis j'ai entendu souvent. Beaucoup d'avance. Prends-toi d'avance. Vraiment beaucoup. Puis fais tes recherches aussi parce que la machine à 59, ça arrive aux douanes. Puis elle n'a pas la valeur de 59, elle a une autre valeur. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. On peut avoir des frais de douane, des frais de taxes, des frais de transport. Ça, c'est chiant. Puis ça se rajoute assez vite. J'ai déjà commandé des t-shirts qui sont arrivés chez nous par, je pense, c'était quoi? C'était FedEx. Que quand je suis allé les chercher, j'avais acheté pour 45$ de t-shirt, puis il a fallu que je paye 25$ de dédouanement. Ouais, j'ai déjà eu la même affaire. C'est pour quasiment des DVD 50% gratuits. De ma somme. Exactement, puis on paye pour des DVD gratuits. DVD gratuits, puis ça m'a coûté 35$ de dédouanement. Fait que tu sais, soyez consciencieux, puis faites vos recherches, parce que on va avoir tendance à se dire, hey, je peux faire un méchant deal, je peux maximiser, puis qui veut pas économiser en 2013? En fait, qui veut pas économiser, peu importe l'année que vous écoutez le podcast, ouais. Hein, le monde veut l'économiser, mais faites attention avec ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Allez en magasin si vous êtes capable, achetez-le physiquement, vous l'avez, vous avez juste à le cacher puis qu'il se fasse pas trouver, puis à ce moment-là, on l'emballe, puis that's it. Le cadeau, il est fait. Si vous achetez en ligne, on lit toutes les conditions, puis on s'assure qu'il y en ait en stock avant de commander aussi. Achetez pas des Xbox Box. Xbox Box. Il y a du monde qui achetait ça. Il affiche la boîte. Ah ouais, sur, la boîte sur eBay. eBay puis, des Xbox Box, nanana, 400$, t'as la grosse description, puis tout. Puis dans le fond, tu l'as acheté, puis le gars, il te l'a envoyé. Oh, ouais, t'as acheté une boîte de Xbox. Puis cours pas trop pour le prix non plus. Là. Tu vas voir. C'est des astuces de crasseurs. Comme à part des gros spéciales de fou qui vont te coûter bien du temps et de la patience, des fois, puis des fois, les moitiés prix de 3DS. Je disais. Shop around le prix parce que peu importe où ce que tu la jettes maintenant, pas mal toutes les compagnies vont matcher le prix. Hein. Ouais. C'est comme tu penses que le prix il est, tu t'inquiètes de le prix, mais tu as le produit là, achète-le. Puis au pire, si tu le vois moins cher ailleurs, retourne où ce que tu l'as acheté, puis ils vont te le matcher le prix. Puis hein. Pas attendre non plus tout le temps les ventes aussi parce que il y a beaucoup de gens que mettons, à partir du 10 décembre jusqu'au 23 de, du 10 novembre jusqu'au 23 décembre, ils se disent je vais pas l'acheter tout de suite, je vais attendre. Il va y avoir un deal d'ici Noël. Mais il n'y en aura plus en stock. Il va sûrement avoir des PS4. Là. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui se disent, mettons, ah, je l'achèterai pas tout de suite le chandail, j'ai peur qu'il baisse de valeur. Ou telle affaire, j'ai peur qu'il arrive ici. d'un autre côté, là, encore une fois, paix d'esprit. Vous avez déjà votre cadeau. S'il baisse de prix, il baissera de prix. Ça arrive, ça fait partie du retail. Des fois, on perd. Des fois, on perd un 30-40$, malheureusement. C'est la vie. Mais d'un autre côté... T'as la sécurité de la sécurité déjà de l'avoir acheté. Et si on ne l'aurait pas acheté à ce moment-là, puis on décide de passer à côté, ben il n'y aura peut-être plus la grandeur qu'il faut. Il n'y aura peut-être plus la couleur qu'il faut. Il en restera peut-être tout simplement plus aussi. Fait que, tu sais... Noël, là, meilleur cadeau, là, vous allez voir des magazines comme Protégez-vous qui vont faire des belles jobs de vous coter des produits, puis ça vaut la peine. Nous, on va y aller d'une méthode totalement différente aujourd'hui. On va vous suggérer quelque chose, c'est d'y aller d'avance, de faire vos recherches, d'y aller sur quelque chose que vous sachez que la personne écoutez aime la beaucoup. Personne, c'est ça. Soyez à l'écoute. Vous allez le savoir, là. Faites beaucoup de repérages, promenez-vous, ça a l'air de rien. Allez de bonne heure au magasin aussi. À 10h le matin, vous seriez étonné, il n'y a pas de line-up, il y a des parkings. T'as du service parce que le gars, il est tout seul, il est comme... Ben, c'est le fun d'aller bruncher le dimanche matin, puis après ça, aller au centre d'achat pour aller faire un tour, pour regarder qu'est-ce qu'il y a. À la limite, aller au centre d'achat, puis aller bruncher après. Vous allez bruncher à midi, puis les achats vont être faits, vous allez être bien, vous un allez être un petit brunch de magasinage, tu retournes après. Exactement. Mais il faut des moyens pour ça. Fait que c'est juste, c'est la seule affaire, c'est bien le fun de dire comme profiter des ventes ou allez-y de bonne heure ou de quoi, mais c'est le budget de Noël, là, il est tough, là, fait que c'est faut trouver, d'avance c'est là que tu te prends d'avance parce que tu vas voir qu'à la fin, là, ça coûte plus cher que ce qui reste, puis vous allez être pogné le 22 décembre à vous acheter une boîte de Kalinours. Exact. C'est tout le temps ça qui reste. Éric, t'es silencieux, ça fait un bout, là. Ben, tu parles très bien pour nous. Hein. Ben, c'est vrai, t'as tout dit là-dessus pour... ouais, ben... Pour, non, ben, j'ai rien à rajouter dans le sens que... Tu sois à l'écoute de la personne, tu sais, c'est carrément là, la blonde qui veut donner le cadeau ultime à son chum, là, mais écoute-les. Là. Il chiale qu'il aime pas quelque chose, mais c'est quoi qu'il aime le problème à sa solution, la solution à son problème, je veux dire, tu sais. À la limite, si vous avez... un besoin d'un cadeau aussi, puis il y a un problème, puis vous n'avez pas la réponse, ben envoyez-le, pas de problème. Ben, ça, j'avoue. Ils vont vous régler ça, eux autres. Ben oui, c'est vrai. Petite plug gratuite. Plug gratuite, ah, comme puis ça. Soit, ben, quand moi, si j'ai une chose, c'est peut-être de l'expérience de l'autre côté pour le magasinage, mais soyez patient. Tout le monde qui travaille, ils sont sur le bout du souffle, là. C'est très rushant, cette période-là. L'ayant vécu de l'autre patient, côté. Ben, moi, personnellement, anecdote de même, depuis que je travaillais avant, j'ai travaillé longtemps dans la vente au détail, un peu comme vous autres vous avez fait. Puis j'étais dans les magasins de disques, puis c'était les rushs dans le temps des fêtes, surtout dans le temps. Puis à cette heure, je prends un plaisir fou à juste être vraiment trop relax dans les foules de masse de monde qui se battent. Tu sais, moi, je me promène, puis je fais mon magasinage, puis je suis habitué, on dirait, d'avoir eu tout ce monde-là en furie autour de moi. Là. Fait que là, moi, je me promène, je suis très relax, je magasine, je regarde mes affaires, j'attends en file, puis j'écoute le monde, j'observe le monde qui sont en train de capoter des listes, puis t'entends des « Hey, Julie, elle aimerait ça, puis Suzanne, elle triperait cette affaire-là, puis hey, Robert, lui, il capote, puis... » C'est des petits... Non, mais c'est vrai, t'entends le monde parler, là, c'est fou, là, juste écouter le monde parler autour de toi quand t'es tout seul dans un gros centre d'achat, là, puis t'es dans les rayons, puis t'écoutes le monde autour, là. C'est mon plaisir fou, là. T'es voué tout rushé, là, c'est Noël, puis moi, je suis ça, parenthèse, puis... là, mais c'est un de mes gros trips, ça. C'est d'écouter les histoires de tout ce qui se passe alentour de moi. Tu là, fais comme si t'entends rien, là, mais dans le fond, là, t'entends tout, puis t'écoutes tout, puis tu fais comme, votre pauvre madame. Histoire de vente au détail. Ça, c'est un autre podcast. On devrait. Un jour, on va se payer à la traite. Anecdote avec de vente au détail. Payer à traite. On va se payer à traite avec un podcast de vente au détail. Où on invitera des invités spéciaux aux noms différents des nôtres qui pourront parler de leur vécu à ce moment-là. Ouais. Nous sommes le Geek Collectif. Merci d'avoir été avec nous autres pour notre guide cadeau. On vous a probablement pas appris grand-chose ce soir, mais c'est bon des fois de repartir du début puis de se remettre en question, surtout en période de gros stress et de gros rush. On est présentement le 16 novembre. Vous écoutez l'épisode probablement lundi. Vous allez l'écouter peut-être par après. Profitez de votre temps de magasinage, prenez votre temps, regardez vos achats comme il faut, pensez que vous allez faire plaisir à quelqu'un à ce moment-là. Donc, mon nom est André Paquette, vous pouvez me suivre sur Twitter au @uzumakiqc. Je vous invite à suivre le Geek Collectif sur la page Facebook, facebook.com/geekcollectif, Geek Collectif sur Twitter. Milter, les gens peuvent te suivre sur... Started from the bottom, now we're here. at Twitter. Non, c'est pour le chandail à Rick que je fais une référence. Sur Zombie Militaire sur Twitter, puis mon nom sur Facebook, sur Pinterest, c'est, je pense que c'est mon c'est nom. Jonathan Militaire sur Jonathan, Pinterest. Ouais, c'est Jonathan Militaire sur Pinterest. Eric. Montréalien sur Facebook, Pinterest. Google Plus. En fait, Google Plus, maintenant, ils m'ont forcé un nom, là, c'est Eric Hébert, là, ouais, Montréalien. Nom de merde. Merci d'être avec nous chaque semaine. Suivez également, petit shout-out à Yann Filion, notre community manager de Google Plus. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Et bon magasinage. Fun times.